Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Et oui, émission à la maison pendant le... Alors, c'est pas le confinement, c'est le couvre-feu, parce que forcément, avec les consignes... Restrictions. Ouais, les restrictions, merci Audrey, on peut pas faire ça en studio comme d'habitude. Donc effectivement, l'équipe est dispatchée. Et dans l'équipe, nous avons Audrey. Bonsoir. Ça va Audrey, t'as vécu une bonne semaine depuis lundi? Parce que t'étais là lundi, je sais plus. Non, il m'est arrivé plein de choses super cool. Je suis posée sur mon canapé avec mon petit chat. Ouais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu es prête pour cette spéciale Harry Potter, je le rappelle. Spéciale Harry Potter, bordel. Oui, je dois l'avouer, je n'ai vu que les films. Je n'ai pas lu les livres, shame on me. Voilà, vous pouvez me voyager. Dans tous les cas, si vous voulez... Mais par contre, ceux qui ont lu, vu Harry Potter, qui sont des Potterheads, comme notre très chère Cindy parmi nous... Bonsoir Cindy. Vous êtes fortement invités à venir discuter avec nous sur Facebook ou sur Instagram. Et même, pourquoi pas, téléphoner et passer en live à la radio. Peux-tu nous rappeler le numéro, cher Teddy? Mais bien sûr, le téléphone pour contacter la radio, c'est un numéro, faut téléphoner par... Enfin, on vous reçoit par Skype. Donc c'est le 09 70 407 306. Voilà, vous pouvez nous appeler. Répète-le et... un peu moins vite, peut-être. D'accord. Ok. Un peu moins. 09 70 407 306. Parfait. Merci. Je tenais à rappeler quand même, pour ceux qui ont suivi, il y a eu une émission Harry Potter déjà l'année dernière dans les PK Avengers, une spéciale qui tient toujours le record d'ailleurs de l'émission la plus longue faite hors les émissions spéciales. Si vous avez envie de l'écouter, vous pouvez l'avoir en podcast sur indestar.fr ou alors sur votre site de podcast préféré, style Spotify, Deezer, et j'en passe. Voilà. Et comme une habitude, on change pas trop ses habitudes quand c'est quelque chose qui gagne. Je sais plus l'expression ce que c'est. Tant pis, c'est pas grave. Nous avons Cindy ce soir. Oui. Bonsoir Cindy, tu es là pour une spéciale Harry Potter, forcément. Effectivement. Ah je pouvais pas louper ça. C'est ça. Et de toute façon, je pourrais pas imaginer une spéciale Harry Potter sur Indestar sans Cindy. Non. Il y a quelque chose... Ça laisse un arrière-goût pas bon, tu vois. Donc forcément, tu es là. Ça fait longtemps évidemment. Qu'on t'a... Ça fait longtemps qu'on t'a pas écouté, qu'on n'a pas écouté ta belle voix sur Indestar. Ben oui, c'est à cause du confinement, c'est à cause du couvre-feu, voilà. Oui. Tu n'habites pas dans le coin, forcément. Non. Et non. Tu as quand même des activités diverses et variées, notamment tu travailles dans une école de cinéma. Alors tu travailles pas, mais tu. Effectivement. Oui. Non, je suis. J'étudie en école de cinéma, oui. Voilà. À tout. Et qu'est-ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois? Vas-y, raconte-nous. Déjà, je suis passée en deuxième année. Ouais, ça compte. Ça compte, bravo. Allez, passez au moins, c'est pas déjà mal. Ça. Voilà, oui. j'ai fait un film de fin d'année. C'était vachement cool. Mm-hmm. Et puis voilà, maintenant, il était sur quoi? On peut le retrouver. J'ai engraissé mon univers Harry Potter aussi. Tu as engraissé quoi? Waouh. Comment c'est possible? Comme quoi? Tu étais au top de la top. Mais non, mais on peut toujours que apprendre sur cet univers, il est tellement vaste. Tant que t'es pas J.K. Rowling, tu peux apprendre. C'est simple que ça. C'est ça. Mais moi, je pars du principe que franchement, c'est ça. Non, t'es pas J.K. Rowling, tu peux toujours tout apprendre parce qu'en plus, elle lâche des news comme ça, des fois, tu es en mode. Elle continue à faire des petites updates, des petits trucs en suivant son fil historique, je savais pas. T'as des petites infos qui fuitent par-ci, par-là, des fois. Ça me fait penser... C'est intéressant. Tu as écrit, toi, une fanfiction aussi, Harry Potter Oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été regarder récemment les chiffres. J'ai 9000 lectures sur le premier tome. Waouh, félicitations. En fait. Et comment on peut trouver cette fanfiction? Alors, c'est sur Wattpad. C'est une application mobile et c'est aussi un site internet. Un site internet. Et ça s'appelle À travers les yeux du serpent. Voilà. D'accord. C'est une histoire sur du point de vue de Draco Malfoy. Voilà. C'est ce que je voulais te demander. Ton personnage préféré? qui est mon personnage préféré, oui. Et pas parce que c'est Tom Felton qui le joue, mais parce que c'est un personnage qui a une évolution intéressante. Parce que je me suis fait avoir la dernière fois à vouloir dire que Draco était mon personnage préféré. On m'a dit que j'étais une fangirl. Eh ben non. Eh bien non. Détrompez-vous. Et toi, Teddy, c'est quoi ton personnage préféré? Ah, moi, c'est... Hermione. Bah oui. Hermione. Et juste après, Ginny. Parce que j'adore Ginny aussi, quand même. C'est même difficile, tu vois. C'est difficile. Mais ouais, Hermione et après Ginny. Voilà. Et toi, allez, Audrey? Une Sandbourg, une Weasley, putain. Bah ouais, ah, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, je suis pas difficile. Mais bon, on se rend bien compte qu'à sans Hermione, l'histoire, elle est finie depuis le premier tome. Hein. Donc bon. Ah, mais bien sûr, tout le monde le sait. Mais toi, Audrey, Ginny, hein, elle, c'est un personnage extrêmement fort. Bien sûr. Ah, moi, j'aime bien dans les films Mimi Géniard. Oui, c'est vrai que tu lui ressembles en plus, donc ça va. Tu pourrais la faire. Ah, la violence. Oh non, elle est plutôt jolie en vrai, donc ça va. C'est un compliment d'une certaine manière. Ouais, si, ça passe. C'est ouais. Juste que si tu prends Daniel Radcliffe et que tu lui mets des cheveux, ils ont la même tronche, quoi. C'est vrai. Ah, la violence. Est-ce que vous avez des petites choses dans la semaine, hormis du Harry Potter, évidemment, parce que forcément on a bossé l'émission, mais est-ce que vous arrivez des petits trucs intéressants, des anecdotes? Des anecdotes intéressantes. Ouais. Ça Attends, m'intéresse. Je me suis pris la porte de l'escalator. Waouh. C'est super. C'est pas mal. Est-ce que t'en as des séquelles? C'est la question. Non. Audrey, est-ce que t'as fait mieux que se prendre la porte de l'escalade? On peut pas faire mieux que se prendre un linteau de porte, clairement. J'ai plein de... Alors là, 1er février, enfin, là on est le 5, mais à partir du 1er février, j'ai plein d'amis à qui je n'ai pas parlé pendant des mois, voire des années, qui m'ont recontacté spontanément en mode « Hey, salut, ça va ?» Ça me fait très plaisir. Ma foi. Mais dis donc, c'est ouf ça. C'est pas mal. Mais ouais. Ils sont tous arrivés au 1er février, quoi. Oh, ils se sont donné ça devait être une date dans leur tête, et clac. C'est ça. Le premier, c'est Audrey. T'es associé, ouais, c'est ça. T'es associé au 1er février. Ça doit être ça. Moi, j'en ai une à vous raconter, une anecdote assez sympa sur notre patron, le grand Manitou, Théo, qui n'est pas là ce soir, parce que sa sœur est descendue de Paris, donc ils font une soirée ensemble, ce qui est normal. Hier, j'ai été le voir, on a fait un petit goûter pancakes. N'est-ce pas, Audrey? Tout à fait. Voilà, on a fait un petit goûter pancakes. Audrey est partie plus tôt parce que forcément elle habite un peu plus loin, donc elle est partie plus tôt. Et moi, au moment de partir, bah ouais, je vais à ma voiture. Alors il y avait un petit parking en forme de O. Et il y a une voiture rouge qui s'est amusée à tourner autour de la voiture de Théo. On sait pas pourquoi, tourner en rond. Aucune logique. Moi, bah j'ignore, je prends ma voiture, je pars pour rentrer chez moi. Et là, qu'est-ce que j'entends? Boum! Un gros bruit, comme si quelque chose se fracassait contre quelque chose. Dans le doute, je me dis... C'est la voiture contre l'autre voiture. Non. Effectivement, c'est la fameuse voiture rouge qui a tapé un peu la voiture de Théo. Donc, Théo, un petit clignotant cassé, un petit pare-choc d'abîmé. Ah, qu'il bah ouais. Vénère sa voiture. Mais oui, c'est une déesse, sa voiture. Je connais pas le nom de sa 205. Tu le connais, toi, Audrey? C'est une GT, 205 GT, non, je crois. Non, pas sa marque, enfin, mais... il Son donne des petits noms, mais oui. Ah oui, c'est vrai. C'est pas Paulette, non? Ah, je sais plus. Pas un truc comme ça. Ah, je sais plus non plus. Il donne des noms. Paulette, ouais, on dirait le nom d'une poule. Oui. Ah bah, ah, ouais, bah c'est pas très beau comme nom, Paulette. Ça s'appelle Suzette, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'il s'est acheté récemment une Stanza, et oui, il l'a appelée Suzette. Moi, j'ai pas fait original, j'ai une Opel Corsa qui s'appelle Corsair, voilà. Ah, bien. Pas mal, pas mal. Bah, ma voiture, ma Micra s'appelle Morissette, hein. Bon. J'avais une voiture, une Zara, avant. Je l'avais appelée Xena, parce que Zara, Xena, c'est pas loin. Je croyais que t'allais me dire Xérès comme le vin, tu sais. Ah non. Ah non, j'ai pas fait ça. Pas cette fois. Mais bon, donc voilà, super anecdote. Laguna, elle a un nom? Ma Laguna, non, je lui ai pas donné de nom. Bravo. Je la sens On voit les préférences. Ouais, bah ouais. Non, mais j'adore les Lagunas, en plus. Hein. C'est ça le pire. Mais je n'ai pas trouvé de nom à celle-là. Tant pis. Elle a pas de nom. C'est comme ton chat. Il a pas de nom. Mais non, chat, il s'appelle chat, c'est tout. Bah oui, bah c'est pas un nom. C'est... Bah si, c'est un nom. C'est une espèce animale. Bah du coup, ma Laguna s'appelle Laguna. Voilà. Voilà. Ça permet de la nommer, quoi. Oui, voilà, c'est tout. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de nommer, toi, Audrey, tout à l'heure, tu vas nous parler des chiffres qu'a fait Harry Potter. Oui. Enfin, du marketing tout autour d'Harry Potter. C'est bien ça? Bien sûr, et des musiques aussi, un peu, parce qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans Harry Potter, dont les musiques et leur formidable compositeur. Effectivement, et d'ailleurs, en parlant de musique, on va écouter une reprise d'Eva Guess. Elle reprend Angèle, balance ton quoi, et c'est sur Indestar. Yes. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Et oui, vous êtes bien sur Indestar, votre rendez-vous du lundi et du vendredi en période de confinement. Ce soir, c'est une spéciale Harry Potter avec Cindy, Audrey et moi-même. Audrey, tu vas nous parler de chiffres autour d'Harry Potter, si j'ai bien compris. Et oui, parce que la saga Harry Potter, c'est quelque chose. C'est... Donc le premier tome a été publié le 26 juin, très exactement, ouais. 1997. D'accord. Et le, c'est si et vieux le que ça succès... Comment ? C'est si vieux que ça ? Putain, j'imaginais écoute, pas. C'est notre âge en vrai. Hein. C'est de notre âge. Ah ouais, je pensais que toi, c'était dans les années 2000. Mais... Le succès ne s'est pas démenti au fur et à mesure des tomes. Ça a été un cataclysme sur le marché du livre et sur les franchises et tout ça. Ça a été traduit en près de 80 langues. Yes. Et j'ai pas trouvé de chiffres très très récents, même si je sais qu'il est toujours extrêmement vendu. Mais par exemple, en février 2018, la maison d'édition britannique Bloomsbury dépasse la barre des 500 millions d'ouvrages pour les seuls 7 tomes. Alors, 500 millions d'ouvrages, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et en France, c'est Gallimard qui l'édite. Et à ce jour, il a écoulé 33 millions de tomes, 33 millions d'ouvrages. Ça fait beaucoup quand c'est même. C'est vraiment, genre, près de 6 millions et demi pour le seul premier tome. C'est pas genre la... Est-ce que ce serait pas genre la saga qui a rapporté le plus en termes de livres ? Alors, c'est pas la saga qui... En termes de livres, peut-être. En tout cas, pour ce qui est des films, c'est la troisième franchise la plus rentable après l'univers de Marvel et l'univers Star Wars. Bah ouais. C'est quand même incroyable. Oui, ouais, bah ouais. C'est quand même des monuments, tous... Et le succès ne se dément pas. Toute l'année, ils en vendent avec un pic à Noël, aussi grâce... Alors, à la fanbase qui est extrêmement importante, mais aussi ouais. Grâce aux rééditions collector qu'ils font très régulièrement. Pour je suis la première victime. Voilà, les rééditions avec. T'as combien d'éditions collector du coup ? Des petits suppléments. T'as combien. J'ai fait un petit sondage auprès de mes amis Potterhead. Ils ont au moins 3 éditions différentes chez eux. Et Cindy, toi, t'en as combien ? Eh ben, j'en ai 3 aussi. Ah bah tu vois, t'es dans en la fait, moyenne. En fait, il y en a que 3. J'en ai 3 aussi, dont une en limité. Oui, bah exactement. Genre, tout le monde a sa petite édition. Alors, il y a ceux qui se bataillent avec les éditions anglophones et, ouais. Et ceux qui ont les éditions limitées. Enfin, voilà, en moyenne, les gens ont 3 éditions d'Harry Potter, et dont une en général en langue originale. Et c'est vraiment quelque chose... Enfin, Harry Potter, ça a été un événement à sa sortie et c'est toujours un événement des dizaines d'années après. Mmh. Ouais, parce qu'on va attaquer 2021, donc ça fait un petit bout de temps. Mmh. Et oui, je viens de trouver les chiffres, c'est l'auteur britannique le plus lu de la planète, donc J.K. Rowling. Ouais, elle est l'autrice britannique la plus lue de la planète avec William Shakespeare et Agatha Christie. Wow. Enfin, on est quand même un certain level. Ah ouais, elle se passe Je m'attendais à des trucs genre Arthur Conan Doyle ou je sais pas, mais là non. Bah, non. Bah Agatha Christie, c'est déjà pas mal. Oui, Shakespeare, s'il te plaît. Oui, bah ouais, non. Justement, elle est bien, elle est à un niveau supérieur que celui à qui je pensais, tu vois. Ah oui, ouais, bah. Largement supérieur. Que... D'ailleurs, j'ai un coffret Sherlock aussi. Waouh, trop chouette. Une émission spéciale Sherlock, ça me va aussi. Ah ouais, carrément, moi aussi. Clairement. On est d'accord que Benedict Cumberbatch, c'est le meilleur des Sherlock. Oui. Allez, si, quand même. On aura un débat sur une émission prochainement. Yes. Mais au Royaume-Uni, ça a été un succès parce qu'au début, le premier tome a été publié à seulement 1000 copies. Et en 5 mois, il s'en est écoulé 30 000 exemplaires. Et donc là, ils ont flairé le filon en disant... Ça sent bon là. Ouais. Ça va être un truc bien ça. Va falloir cuisiner un peu plus de livres. Le troisième épisode, le troisième tome, Le prisonnier d'Azkaban, a atteint les 68 millions d'exemplaires. Les 68 000, non, pardon, a atteint les 68 000 exemplaires vendus dans le premier week-end de sa sortie. Ouais. Ouais, c'est, ça fait beaucoup. C'est genre 68 000 volumes vendus en un week-end. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est pas quasiment mal. Le quand tu demandes, moi j'avais fait un sondage auprès de certains Potterheads, c'est le tome préféré généralement de la fanbase. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est enfin, quoi, toi, ton... Harry Potter, ce sont des chiffres absolument incroyables, ouais. Que ça soit pour les livres ou pour les films. Et pour les films, c'est dû aussi grâce à ces compositeurs qui sont absolument magiques, dont tout le monde reconnaîtra le Edwige Thème, le premier de tous. Ah oui, mais attends, je l'ai. Waouh, t'es dit, c'est je balance. Voyons. Yes. Et oui, le thème est composé par l'incroyable John Williams, qui, entre autres, a fait des trucs un petit peu moyen connus, comme la musique de la saga de Star Wars. Ouais. Pas grand chose, quoi. Oui, c'est vite. Ou celle des Dents de la Mer, ou celle de E.T., ou celle d'Indiana Jones, ou de Jurassic Park, ou encore de Superman, ou de la liste de Schindler. Ouais, il a pas été connu, quoi. Vraiment un gars, le gars lambda. Ouais. Surtout du Spielberg, en plus. Ouais, voilà, c'est clair. Genre trois fois rien. Il est inconnu, quoi. Donc, ce grand monsieur John Williams a composé les trois premiers... Enfin, les musiques des trois premiers films de la saga. Ouais. Ensuite, il a passé le relais à Patrick Doyle. Mm-hmm. Qui, lui, est plus connu pour ses activités aux télévisions, au théâtre, au cinéma anglais. Ouais. Et il a composé notamment avec des réalisateurs, réalisatrices plus petits que Spielberg. En même temps, bon, est-ce que c'est facile ? Oui. Ouais, c'est... bah oui. Et lui, donc... pardon, Patrick Doyle aura fait les musiques uniquement de la Coupe de Feu. Ouais. Il va ensuite passer pour l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang-Mêlé à Nicholas Hooper. Hooper. Et qui est connu pour faire des films et des séries britanniques, mais surtout, surtout pour Harry Potter, clairement. Là, oui. Ça a été son top. C'était le pic de sa carrière, quoi. Exactement. Et finalement, exactement, comme dit Cindy, Cocorico, pour les deux derniers, enfin, pour le dernier tome, Les Reliques de la Mort séparé en deux parties, nous avons Alexandre Desplat. Ouais, c'est qui ? Yes. Ben, c'est un compositeur français. Ouais, il a fait quoi ? Je t'en prie, vas-y, présente un peu Cindy, parce que je sais que c'est l'un de tes compositeurs préférés. Alors, dans Harry Potter. J'avoue que les thèmes qu'il a fait sont absolument magnifiques et en plus très intelligents parce que c'est l'un des seuls qui a, par exemple, dans Lily's Theme, qui est vachement connu, c'est le thème de Lily, quoi. Il a repris le thème d'Edwige et l'a métamorphosé, en fait. Donc custom. Voilà, de John Williams, et il l'a un peu métamorphosé. Et pour voilà, rendre hommage à John Williams et lui rendre en fait rendre à César ce qui est à César. Quoi. Faire une belle référence. Alexandre Desplat, c'est vraiment. Il est vraiment genre. Vraiment, ce gars touche un peu. Enfin, tout ce qui touche a bien de l'or. Il reçoit l'Oscar de la meilleure musique de film pour son travail sur The Grand Budapest Hotel. Et il est aussi connu pour la BO incroyable de Imitation Inn, pardon. Imitation Game. Merci, Sylvie. Bravo, bravo. De Morten Tildum, qui est vraiment, enfin, qui. Il a fait aussi la musique absolument magnifique d'un film qui s'appelle Suite française, qui est une adaptation d'un roman d'Irène Némirovski sur la Seconde Guerre mondiale, et qui est juste magnifique. Donc voilà, des grands compositeurs se sont partagés les thèmes iconiques d'Harry Potter. Et évidemment, des CD sont sortis. Enfin, sur le merchandising d'Harry Potter, je crois qu'on est au top de ce qui peut se faire entre les jeux de société, les CD, les goodies. Enfin, tu peux avoir du Harry Potter dans tous les domaines. Dans ta cuisine, exactement. Dans tes chiottes, dans les jeux, évidemment, mais partout. Dans les vêtements. Dans les vêtements, partout, ouais. Partout. Complètement. Grâce aussi au fait d'avoir les maisons, qui sont au nombre de 4. Donc Cindy va nous les donner en anglais et Teddy va nous les donner en français. Ah ouais, allez, c'est mieux on comme ça. On commence par les meilleurs. Vas-y, Cindy. Donc Serpentard. Ok, Ravenclaw. Serre d'aigle. Ah là, ça met du temps là. Hufflepuff. De quoi ? J'ai pas entendu. Hufflepuff. Ah, Poussouf. Gryffindor. Gryffondor. Ah, mon anglais est magistral. D'ailleurs, si vous voulez, je cherche du boulot. Je peux faire traducteur de personnes anglaises. Non, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi vos maisons, les petits chats là ? Ah, moi, je suis Serpentard. Je suis un cerf d'aigle. Un cerf d'aigle, malheureusement. Mais un cerf d'aigle. Ouh là là ! Attention, nous avons deux antagonistes dans le studio. Ouh là là ! Et toi, Audrey ? Ah, moi, je suis pas assez Potterhead pour avoir une maison, très clairement. Désolé, je vous déçois sur ça, mais. Ah. Je suis la Suisse. Voilà. Je suis la Suisse. Je suis pas rentré dans l'école. Serre d'Aigle, c'est une des meilleures maisons, Serre d'Aigle. Ouais, mais dans mon âme. C'est une des meilleures maisons. Toutes les maisons sont absolument fantastiques, mais. J'ai envie d'être Gryffondor dans mon âme. Oui, bon, dans le petit. Je vois que vous êtes. Alors, vous reprendrez votre bataille hors antenne. Je vois que sur Instagram, Just Jeanne, je ne sais pas comment ça se passe. Juste Jeanne. Juste Jeanne, exactement. Qui va a répondu que le tome 4 était son préféré. Il dit que depuis que j'ai lu La Chambre des Secrets, j'écris plus dans mon journal intime. Donc merci à vous de participer via Instagram ou Facebook @indestar. Et n'hésitez pas même à nous appeler au 09 70 407 306. J'ai pas été trop rapide ? C'était parfait, Teddy. C'est parfait. Ah, j'aime quand je suis parfait. Parfaitement parfait. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter sur la musique d'Harry Potter ? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, il serait bien d'écouter de la musique d'Indestar, n'est-ce pas ? Ah, mais pas de problème. Si tu veux de la musique d'Indestar, en veux-tu, en voilà. Nous avons un match-up entre Dua Lipa et Ava Max. Autant vous dire que j'adore, vu que j'adore ces deux artistes. Ça s'appelle Physical Turn et c'est sur Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et oui, une émission à la maison spéciale Harry Potter. Je le rappelle, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur indestar.fr ou alors sur votre plateforme de podcast préférée, style Spotify, Deezer, ainsi de suite. Vous pouvez même retrouver l'ancienne émission Harry Potter qu'on a fait l'année dernière avec Cindy, qui a duré près de 4h30, hein, je précise. Vous pouvez aussi. Ça fait 3h30, je crois. Peut-être sans les musiques, ça fait plus court. C'est vrai, parce qu'après, dans les podcasts, on enlève les musiques. Donc forcément, vous avez un condensé de ce qu'on parle. Mais vous pouvez la couper en deux quand même, parce que ça fait beaucoup trop d'heures et demie d'un coup. Ou alors, ouais. Si vous avez un très long trajet en voiture, ça vous occupe. Ouais, bah, si vous êtes routier, voilà. Vous pouvez. Ouais, clairement. Mais sinon, vous pouvez sans ça. D'ailleurs, Cindy... Ou fan d'Harry Potter. Oui, bah clairement. C'est... Ou fan de Cindy. ça peut exister, ça aussi. Sait-on jamais, ça peut arriver. Dans tous les cas, les fans de Cindy, notamment son papa peut-être, Cindy, je te laisse la main. Papa qui nous écoute et à qui je fais des coucous et des bisous. Voilà. On lui fait tous des bisous et des coucous. D'ailleurs, ça va être ton moment, Cindy. Enfin, l'un de tes moments, parce que forcément, oui. Harry Potter, c'est déjà toujours ton moment. Oui, de ouf. Tu vas nous parler des animaux fantastiques et plutôt de l'inspiration pour les créer. C'est ça ? Non ? C'est ça. Alors, j'ai fait un petit peu un micmac, mais effectivement, il y a de l'inspiration aussi pour les avoir créés, tout ça. C'est en grande partie le truc. Ouais. Eh ben, on t'écoute. Je vais commencer plutôt par les grandes créatures importantes dans Harry Potter. Ouais. Donc, il y en a principalement trois qu'on retient. Donc, il y a Dobby, déjà, qui va aider le trio dans sa quête, qui se sacrifie à la fin, voilà. À défaut d'être insupportable, au moins il a servi à quelque chose. Bah, vous aimez pas Dobby ? Pas trop. Bah, je suis pas trop fan moi de Dobby. Enfin, dans les livres, je le trouve super souvent. Après, il est plus attachant dans les films. Tu vois, sur le coup, je le trouve attachant dans les films. Peut-être ses gros yeux. La scène où il meurt, j'ai quand même un peu eu mal parce que je me suis dit non, mourir. Mais voilà. Après, on a Edwige. Qui est du coup, donc je le rappelle, la chouette de Harry. qui va aussi, elle, se sacrifier. Tout le monde se sacrifie pour Harry, hein, c'est dingue. C'est clair. Mais c'est vraiment... qui va, elle aussi, se sacrifier, qui va être son compagnon de route dès sa première année jusqu'à, malheureusement, jusqu'à sa mort. Ouais. D'ailleurs, son inspiration, elle est assez facile, celle-là. Hein. Ils se sont inspirés d'une créature, chouette. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote de film, il y a eu 3 chouettes qui ont joué le rôle d'Edwige. Ah ouais. Ma foi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Edwige. C'est tout pour moi. Allez hop, salut. Et on va avoir la dernière créature que j'ai choisi de mettre en avant, c'est Aragog, la grosse araignée. Voilà. Ouais. Parce que elle, sur le coup, franchement, il y a un énorme travail qui a été fait dessus au niveau narratif et tout ça, parce que sans Aragog, sur le coup, l'histoire ne pouvait pas avancer. C'est pas faux. Donc c'est quand même voilà, c'est les grosses créatures, on va dire, sans mauvais jeu de mots pour Aragog, qui vraiment ont fait avancer l'histoire et qui voilà ont une importance quand même assez capitale au niveau narratif. Petite anecdote perso pour Aragog. Aragorn, c'est le seigneur des anneaux, ça, Aragorn. Aragorn, ouais. Tu repasseras dans l'autre émission des seigneurs des anneaux. Mauvaise prononciation, désolée. Pour la grosse araignée, voilà. J'ai eu la chance de voyager en Australie et de vivre dans une famille australienne. Ah. Et il y avait une énorme araignée, une araignée de là-bas, quoi. Grosse comme une assiette à soupe, hein, soyons très clairs. Et je n'affabule pas. Ça surprend un peu le matin, on va pas se mentir. Ça et pas très en fait, bon l'araignée goût. Vivait dans la maison et c'était normal. Et elle avait le nom de l'araignée d'Harry Potter. Voilà, je trouve ça très mignon. Si tu veux une anecdote, je vais en parler juste après. Enfin, juste en dernier du coup, de ces petites bestioles qui ont des noms d'Harry Potter. Ah bon d'accord. Ah parce qu'il y a des bestioles qui ont vraiment. Parce que oui, il y a pas que l'araignée, Aragog. Trop bien. Oh. Hey. J'ai envie de préciser là à ce moment-là, vu que tu parles de l'Australie et d'araignée, petite anecdote aussi sympa. En Australie, ils ont interdit un épisode de Peppa Pig. Vous allez me dire, mais quel est le lien ? Il n'y a aucun lien. Non, si, il y a un lien. Dans un épisode de Peppa Pig, Peppa, donc le petit cochon, il prend une araignée avec le fil dans sa main. Il se dit, oh, c'est trop mignon, faut pas avoir peur et tout. Et il montre ça. Hein ? Il l'écrase ? Non, rien à voir. Justement, il trouve ça mignon. Donc voilà, il a câline, ils sont là, ils sont gentils avec l'araignée. Il se passe rien. Sauf qu'en Australie, c'est pas très bien vu ça. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des grosses araignées, très très grosses. Et pour la plupart, mortelles. C'est là-bas qu'il y a les plus grosses araignées mortelles, en tout cas. Et les parents ont pas trop. Ils ont pas trop apprécié ça. Donc ils ont fait censurer en Australie cet épisode. Pour pas que les enfants reproduisent la même chose, pour pas mourir. LOL! C'est pas mal, effectivement. Ouais, en théorie, heureusement qu'ils l'ont interdit, ce truc. Voilà, ouais. Donc, on a fini avec les araignées. Théo, tu peux te déboucher les oreilles si tu nous écoutes. C'est bon, on va parler d'autre chose. Parce qu'il a un peu peur des araignées, quand même. Alors, ouais, quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de créatures dans Harry Potter, et c'est principalement des créatures qui sont tirées de mythologies et légendes qui sont déjà existantes. On a des centaures, on a des licornes, on a... alors, il y a une petite créature que j'aime beaucoup, qui n'apparaît pas dans les films, qui s'appelle le Pitiponk. Et le Pitiponk, c'est quoi ? C'est littéralement un espèce d'esprit qui est tiré du feu follet, en fait, qui vient du folklore britannique, et qui sort d'une lanterne et qui guide les voyageurs dans les marais jusqu'à les perles. Voilà. Donc, c'est une créature absolument mignonne, mais qui a pour but de vous perdre dans les marais. Bah, du coup, de vous te tuer. Perdu dans les marais et vous y mourrez. C'est génial, c'est super glauque et j'adore. Donc voilà. Ah. Ton côté glauque ressort bien là quand tu dis ça. Oh mon dieu. C'est quoi la prochaine créature que tu vas nous parler ? Ah, je crois qu'on a un petit problème. On a perdu Sydney. On a perdu Sydney pile poil à ce moment-là, dis donc. La petite bestiole. Ouais, je sais pas. En fait, le Pikipong, il a entendu qu'on parlait de lui. Il s'est dit, Cindy, viens. Et là, Cindy, en fait, elle est partie. Et elle est dans le marais. Elle s'est dit, oh, mais c'est génial, Iti. Et hop là, elle est partie avec le bestiau. Alors, comment dire? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, c'est normalement le sujet de Cindy, pour vous dire. Cindy. Mais nous n'avons plus nous de Cindy. Tu. Donc, je propose, Cindy, si tu nous écoutes, de te reconnecter au Discord, de te déconnecter, de te reconnecter. Pour pouvoir continuer ton sujet. En attendant, on va faire le célèbre meuble Ikea meuble. Alors, pas si célèbre que ça. Non, mais tu l'as vu, toi, les animaux fantastiques, Teddy ? Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai vu deux fois, donc je m'en rappelle pas des masses. Hein, dans les animaux, je sais qu'il y a Pickett. Deux fois, je m'en rappelle pas des masses. Pickett, c'est un genre de phasme. Un genre de phasme. Oui, bah pour moi, il est de l'inspiration des phasmes. Pickett, c'est un genre de bâton quand même. Enfin, je sais pas. Ah oui, complètement. Bah ouais, clairement, il ressemble à un phasme. Donc pour moi, cette inspiration-là, ouais, ça vient des phasmes. C'est tout. Après, Nibbler, le Nibbler. Alors ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Attends, c'est Niffler ou Nibbler? Le Niffler. Eh ben figure-toi le Niffler, c'est inspiré d'une taupe avec des petites pattes sur le nez et c'est qui existe vraiment. Attends, je vais te retrouver le nom. Bah j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu une créature similaire dans un manga français en plus, dans le manga d'Ankama, Wakfu. Est-ce que ça te parle? Je sais pas. Ils ont aussi Cindy. Un Nibbler, ça s'appelle. Yeah. Cindy de retour. Ah bah Cindy, on a meublé en attendant. On a parlé. Ouais, bah, franchement, c'était magnifique. Je suis désolée, mais ça a coupé mais t'inquiète chez moi pas. Aussi, en fait. Ah. T'inquiète pas. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Non, mais c'est. T'as parlé des Peaky Ponk. Les Peaky Ponk, en fait, là, ils ont décidé que non, tu parlerais pas d'eux. Donc on parlera plus des Peaky Ponk. T'as suivi la lumière et Pâques. Je suis perdue dans les marais et du coup je suis pas revenue. Mais je suis pas morte moi au moins. Tu as le temps de revenir quand même et tu vas pouvoir parler de quelque chose d'autre que les Piquipons. Et peut-être as-tu été sauvée par une autre créature? Ouais, peut-être, c'est possible. Je suis revenue à d'autres son bras là en fait. Ah, c'est donc ça. Voilà, ils sont magnifiques en plus ces animaux. Oui. Et du coup voilà. Bon, je peux pas les voir parce que j'ai vu personne mourir, mais heureusement. voilà. Ça ferait glauque si je dis « Ouais, moi, je peux les voir !» Ah, ouais, non. Ah ouais, super, merci, ouais, c'est génial. Non, évidemment que non. Mais bon, oui, parce que la condition pour voir les sombrales, il faut avoir vu quelqu'un mourir devant ses yeux pour pouvoir les voir. C'est ça. Donc effectivement... Et plus que ça encore, il faut en avoir conscience. Ah bah oui, si Hammer, ouais. Oui, parce que sinon, Harry aurait pu les voir dès le premier tome, ce qui n'est pas le cas. Oui, parce que ses parents sont morts. Quand il était jeune ça, et il les a vus mourir. Ça, oui, mais il était bébé, donc on n'avait pas conscience. Étant voilà, c'est ça. Étant bébé, il n'était pas conscient du fait d'avoir vu une mort, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne voit pas, en fait, les sombrales dès le premier tome. Ça, c'est la Potterhead d'élite. C'est débat dans l'univers Potterhead. Ouais, bah oui. Et ça, c'est l'élite de l'élite qui se pose ce genre de questions. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça. Et donc, je parlais pendant que j'étais coupée, parce que je me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais été coupée. Mince. Je parlais du grand livre des créatures de Ravenson Jodi. Voilà. Et je disais qu'il y avait des dessins préparatoires dans ce livre qui sont vachement bien foutus. Et le livre a une grosse partie aussi sur des explications sur les créatures. Je crois qu'il y a les centaures, il y a les détraqueurs, les licornes. Enfin, il y a plein de créatures. Et c'est vachement bien foutu. Et on a aussi une galerie de dessins préparatoires et des dessins préparatoires aussi qui sont dans le couloir, un couloir consacré au studio de Londres. Waouh. Ouais, et c'est ouf parce qu'en fait, quand tu rentres dans ce couloir, moi je me souviendrai toujours, c'est cette espèce de grand dessin d'un serpent en flamme qui à la base était un concept pour une créature qui n'a jamais du coup été dans le film, mais qui a resservi pour le feu démon de Goyle. Ah oui, quand il met le feu, soi-disant accidentellement, enfin si, accidentellement, mais oui. Oui, complètement accidentel. Oui, ouais, clairement, baguette, voilà, bref. Voilà, et c'est un des dessins préparatoires qui a donné un peu l'idée de faire un espèce de grand serpent enflammé, qui est absolument canon en plus, faut le dire. C'est pas faux. Tout ce qui est en feu, c'est canon, de toute façon. Ouais, voilà. J'ai jamais vu par exemple un poisson en feu, tu vois, ça serait pas canon, mais ça existe pas, c'est pour ça. Déjà, ça vit dans l'eau. Bah, y a pas le feu au lac en fait. Ouais, bah voilà. Waouh. Excellent. Pragmatique. Ouais, ouais. Laurent, si tu nous écoutes, dédicace. Ouais. Oh la vache, ah, ça fait mal là quand même. Hein. C'est beau. Aïe aïe aïe. Et donc, quand on parle de créatures fantastiques, on en vient rapidement à parler de Norbert Dragono, Newt Scamander en anglais. Newt. Et donc, c'est un peu le personnage emblématique de la saga des animaux fantastiques. Oui. Et il va être notamment connu dans la communauté magique pour son amour inconditionnel pour les animaux fantastiques, à tel point qu'il va écrire un manuel sur le sujet qui s'appelle « Les animaux fantastiques, vie et habitat » que vous pouvez en plus acheter parce qu'il a été publié version Moldu. Voilà, on en a de la chance. C'est ouais, beau. C'est ça. Et ben moi, je l'ai acheté, je l'ai dans ma bibliothèque. Mais pas en version Moldu. Et non, pas bah, version si. Lieu. Ah bon. Alors moi j'ai les... Non, moi j'ai les annotations sorciers. C'est-à-dire que je vais le prendre parce que ce qui est pratique quand on est chez soi, c'est qu'on a la bibliothèque juste en face. Et du coup, je vais aller le piquer et je vais vous lire un passage qui est très drôle. Moi, ça m'a fait rire. C'est le préambule. Et en fait, dans le préambule, il y a des petites annotations. Et c'est marqué « Préface de l'auteur, entre parenthèses, à ne publier que dans la version pour sorcier. » Oui. Et moi, je trouve ça ouf. Voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Et il y a aussi une note de l'éditeur pour l'édition Moldu, envoyer le blabla habituel, entre parenthèses, une fiction manifeste, un livre amusant, inutile de s'inquiéter, nous espérons qu'on vous prendrait plaisir à sa lecture. Voilà. Donc c'est un livre qui est très très drôle, il y a bonne pointe d'humour, images dedans en plus. C'est un livre assez marrant, je vois que là il y a l'image de la chimère par exemple, ouais. Et qui est vachement complet, donc on a la préface de Norbert Dragoneau, on a l'explication aussi de la différence entre les êtres, les créatures et les sorciers, ouais. Parce qu'il y a trois catégories différentes hein, dans la classification du ministère. Donc on a les créatures qui sont, on va dire par exemple les licornes, les trolls, par exemple ce genre de choses-là qui n'ont pas un conscient, on va dire, humain. Ouais. Ensuite, il y a les êtres. Donc, dans les êtres, on compte on comptait les centaures et les êtres de l'eau. Mais quand ils ont vu que dans les êtres, il y avait les vampires et les harpies, ils ont dit non, les gars, vous nous remettez dans la catégorie créature animale. Nous, on veut pas côtoyer ces gens-là. Ah. Waouh. Jusque dans la désignation, il y a des revendications syndicales, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Et donc après, on a les sorciers. Donc les sorciers, c'est les sorciers, quoi. C'est l'élite. Les centaures, en fait, c'est un peu les gilets jaunes des animaux fantastiques. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est surtout qu'ils ont une facilité à se vexer qui est assez particulière. Très susceptibles. Ils sont très, très susceptibles. Les êtres de l'eau sont très susceptibles aussi. D'accord. Mais c'est parce que, voilà, par exemple, les centaures, si tu dis à un centaure que tu viens sur son territoire, mais que tu ne voulais pas le vexer, eh ben, il va se vexer. Ah! Parce que tu as bien l'audace de penser que toi, être humain, tout simple, petit sorcier à la noix, tu pouvais l'atteindre. Ah, et ça, c'est déjà trop pour un centaure. Ah, wow. Ils ont complexe de supériorité un petit peu. Et voilà. Ouais. C'est un petit peu ça. Et donc, dans les classifications aussi du ministère, on a des classifications de dangerosité. Et qui sont très importantes, à suivre la lettre pour les apprentis sorciers qui veulent élever des dragons, par exemple. Ne le faites pas, c'est une mauvaise idée. Tu peux potentiellement mourir. Voilà. Potentiellement, vous pouvez mourir cramé, effectivement. Oui. Ça peut arriver. C'est-à-dire que, je serais pas le premier éleveur de dragons à finir cramé. Dans l'estomac du dragon. En petit bûcher, en petit bois. En et tu sais, Cindy, s'il y a... Parce qu'il va y avoir un deuxième film, normalement, des créatures fantastiques, non? Troisième? Ah oui, troisième, pardon. Troisième oui. Film, oui, effectivement, il va y avoir un troisième film. Et tu sais s'il y a une date de sortie, quelque chose? S'il y a... Une date de sortie. Je crois que ça a encore été repoussé, en plus. Ouais. Parce qu'ils avaient parlé 2021, là, ils parlent de 2022, voire 2023. Ah, ouh là là. Ça nous étonne pas, ouais. En même temps. Bah, c'est ça d'avoir viré Depp, je veux dire, voilà. Après... Ils se sont mis dans le caca tout seul, quoi. Forcément. Mais bon, ceci est un autre débat. Et donc voilà, donc du coup, il y a des classifications au ministère. Donc on a un X pour les animaux ennuyeux, on a deux X pour les animaux inoffensifs. Ennuyeux, vraiment. Ouais, ennuyeux, c'est beau quand même. Hein. Genre c'est quand trop t'as violent. Un seul X, tu es ennuyeux. Et ça, je trouve ça génial. C'est trop j'sais violent. Pas si y a un animal. Attends, je pense que le boulu, par exemple, est un animal ennuyeux. C'est trop violent. Le boulu. C'est... Genre toi, t'es un animal ennuyant. Tu m'emmerdes à vivre, en fait. Alors, en fait, c'est surtout que il y a des animaux qui sont parfaitement inutiles, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, ils les ont mis en animaux ennuyeux, en fait, parce que Le concept d'animaux ennuyeux, c'est quand même. La nature est faite comme ça, on va dire. Mais... Bon, ils servent à rien, ils sont juste là pour être là, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ils vivent juste. Ils sont ennuyeux, tu vois. Le fait de vivre est ennuyeux. Par exemple, on a comment ils appellent ça? Le Horglup. qui est un truc qui ressemble à un champignon rose et charnu parsemé de quelques poils durs et noirs, et il est doué d'une faculté de reproduction prodigieuse. Voilà, c'est tout. Et c'est ennuyeux. Bah oui, c'est ennuyeux parce qu'il sert à rien, il se reproduit. Je dirais presque que c'est un parasite à force, presque. Enfin, nous, ça serait dans la catégorie peut-être parasite. Oui, bah oui, champignon et qui se reproduit vite. Et généralement, quand ça se reproduit, ça attaque d'autres. Enfin, ça attaque. Ça va prendre les nutriments d'autres plantes ou de l'écosystème. Ça va prendre une place considérable dans l'écosystème vu que ça se reproduit vite. Donc théoriquement, ça pourrait être un parasite. Clairement. Exactement, oui. En soi, oui, ça peut parfaitement. D'accord. Soit. Alors, du coup, en 3X, on a ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Alors, même dans les classifications, les gars font de l'humour, moi je trouve ça cool. Les bâtards. Donc, oui, d'où l'ennui. Après, on a 4X, et alors là, attention, 4X, on a dangereux, exige une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Et donc, en 4X, on a un animal que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui s'appelle le Runespur. Le Runespur, c'est quoi? C'est un serpent à trois têtes. Ah. Et en fait, il a la particularité d'avoir une tête qui pense différemment des deux autres. On a la tête gauche qui est celle qui organise tout, c'est celle qui va décider de l'endroit où le Runespur va aller, en fait. Ouais. On a la tête du milieu qui est la tête rêveuse, voilà, qui fait que des fois le Runespur se perd comme ça dans des magnifiques petits rêves et il reste planté là pendant des heures. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des fois, t'as des Runespur qui meurent comme ça, hein, donc c'est un peu con. C'est vraiment con. Et t'as la tête droite qui est la tête de la critique qui va juger les efforts des deux autres en fait continuellement. Et cette tête droite, elle va tellement kikiner les autres que des fois, ils en fait, les deux autres, la gauche et celle du milieu, vont s'allier pour la couper. Ah, excellent. Voilà. Je comprends non, pourquoi c'est ton préféré. C'est un animal qui est parfaitement... c'est un animal absolument génial, le Runespur. Ouais, non, mais il est génial comme et animal. En 5X, on a... Alors là, attention, très très dangereux. On a des animaux qui sont connus pour être des tueurs de sorciers et qui sont impossibles à dresser ou à domestiquer. Ouais. Et là, on a le magnifique, le superbe Basilic. Ouais. Bah, il a été domestiqué, lui, quand même. Alors... Pas vraiment. Il a été domestiqué, oui et non, parce qu'en fait le problème du basilic c'est que C'est qu'il obéit. On a dû lui jeter un sort ou une malédiction, un truc du genre, pour qu'il obéisse à l'héritier de Serpentard. Salazar Serpentard est le seul connu à avoir réussi entre guillemets à domestiquer un basilic. Ouais, d'accord. Tout ça pour qu'il crève à la fin du tome 3. Ouais, c'est ouf quand même. Le truc, ça fait je sais pas combien de siècles qu'il est là-dedans. Par contre. Juste parce qu'il y a un gamin de 11 piges, enfin de 11 piges du coup qu'on a 13 maintenant, mais qui va le buter quoi. Par contre, je te reprends tout de suite parce qu'on va se faire incendier par les Potterheads, Audrey. C'est le tome 2. C'est le tome 2, ouais. Pardon, mes plus plates excuses. Ouais, je préfère. Même moi, j'ai été conciliante et j'ai rien dit quoi. Ouais, mais. Je connais les messages des haters. On va avoir des haters au cul après. Oui. Toutes mes plus plates excuses. C'est bien. Franchement, t'as pas honte. Accepté. Voilà. Si, bah, clairement, bah là, je suis remplie de honte. Je vais me cacher sous mon drap. C'est convaincant, non? Ah bah ouais, si tu veux. Parfaitement. Si okay, tu veux, on peut mettre la musique en attendant. C'est. Mais j'avais pas fini. Ah bah Cindy n'a pas fini, donc non. Le temps que je me récupère de ma honte. Ouais, bah récupère de ta honte, Cindy va continuer à parler. Voilà, on va faire ça donc, comme ça. J'avais pas fini. Oui. Je disais donc, pour finir, c'est mon dernier truc, vous inquiétez pas. Pas de problème. Mais donc, on a des designs de certaines créatures qui ont complètement été inventées pour le coup, qui ont été inspirées d'animaux réels. Par exemple, le cas du Nifleur, qui est un peu la vedette des animaux fantastiques, qui a en fait été inspiré d'un bébé porc-épic croisé avec un ornithorynque. Oh. Voilà, parce que vous irez voir sur internet les photos des bébés porcs épiques. En fait, il s'agit d'un nifleur, donc méfiez-vous de ces bêtes-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bah, et inversement, on a l'univers Harry Potter qui a atteint le réel carrément, parce qu'on a des scientifiques qui baptisent leurs découvertes en hommage à Harry Potter. On a notamment l'araignée Aragog. On va avoir l'araignée du Choixpeau aussi, qui ressemble en fait vraiment au Choixpeau. Hein, trop bien. C'est assez incroyable. On a l'abeille des Traqueurs. Alors là, c'est pas cool. Là, ouais. Je pense pas qu'elle prenne les abeilles. Elle a été baptisée comme ça. Pourquoi? Parce que elle pique ses proies jusqu'à en fait les priver de toute volonté. Ce qui fait qu'en fait, bah, après, elle les mange. Voilà, c'est super glauque. En fait, elle les zombifie, ses proies. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Elle les zombifie. Excellent. Et ça a amusé les scientifiques. Et du coup, ils se sont dit, tiens, c'est marrant. C'est... En fait, ce qui est très drôle, c'est que ce qui, pour nous, dans le monde d'Harry Potter, est fantastique, donc le détraqueur, se passe en fait dans la vie réelle. Moi, je trouve que ça fait plutôt flipper. Mais bon, c'est pas grave, ils ont trouvé ça drôle. Ah, mais les scientifiques, ils étaient là. Hé, regarde, Roger, c'est devenu un zombie, il s'est fait piquer par la veille. C'est trop drôle, on va l'appeler des traqueurs. Et... Moi, j'aime bien les ratos. Voilà. J'aime les humours de merde. Ouais, Roger, il a plus d'âme. Mais bon. Aussi, un lézard qui. Alors, déjà, il y a le serpent récemment, là, enfin, récemment, il y a quelques années, qui a été découvert, qui a été nommé selon Salazar Serpentard. Donc voilà, c'est un joli serpent vert qui est absolument magnifique. Mm-hmm. Et on a aussi un lézard qui, là, sur le coup, a été nommé d'après un sort qui est devenu un sort impardonnable, qui est le lézard Sectum Sempra. Ah oui. Voilà, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Sectum Sempra, c'est le sort que Draco se prend dans la tronche, dans les toilettes, et qui fait qu'il a fait mourir. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il fait quoi ? C'est un sort qui a été avancé par... inventé plutôt. Par Rogue ? Par Severus Rogue. Et ce sort, il fait quoi exactement ? La reine des chapeaux. Je viens de voir la reine des chapeaux, elle est beaucoup trop mignonne. Elle est trop trop chou. Je vous invite à le taper sur votre moteur de recherche favori parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. J'ai une petite question. Elle, franchement, elle est trop chou. Le sort Sectus Sempra, il fait quoi exactement ? En gros, c'est un sort qui te fait te vider de ton sang ou c'est quoi Le sort Sectum Sempra, c'est un sort en fait donc qui vient du latin et du tout. C'est un sort qui te fait plein de petites entailles hyper profondes, qui fait plein de coupures en fait, qui fait que ton corps va se vider de son sang. D'accord. Ils n'ont pas fait dans les livres, enfin ce qui se passe dans les livres et qu'ils n'ont pas fait dans les films pour éviter de choquer l'audience, parce que l'audience étant relativement jeune à l'époque, ils n'ont pas reproduit les coupures sur le visage. Oui, ils ont mis que sur son corps, caché par la chemise. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'en soi, quand on sait que les films, finalement, ne sont pas interdits, n'ont pas de moins de 12 ans ou moins de 10 ans. Ah oui, effectivement, voilà. C'est pas mal. Voilà, ça peut susciter un peu de terreur chez certaines personnes qui seraient plus sensibles que d'autres. Donc si vous êtes un jeune sorcier, ne lancez pas sort, il est interdit maintenant. Voilà, c'est un sort qui est devenu interdit, effectivement. Il fait partie, donc maintenant, il n'y a plus 3 sortilèges impardonnables, il y en a 4. Sectum Sempra est rentré dedans. Ouais. Voilà. Et enfin, on a le petit scarabée Vif d'Or qui est là aussi, trop mignon. Franchement, je vous invite à aller le chercher sur Internet. C'est marrant, ça. Parce qu'en fait, c'est une petite boule. C'est trop mignon. Une petite boule dorée, voilà. J'imagine. C'est une petite boule transparente avec un cœur doré à l'intérieur. Ah ouais, on sait qu'on voit l'intérieur de la bestiole, si tu veux. Son corps est transparent et on voit ses intestins et oui, tout ça. Je vois. Mais du coup, c'est doré et c'est trop mignon. Ah ouais. C'est vachement. Comme c'est vachement quoi, mignon, comme il suffit des fois d'observer la nature pour trouver de la magie, même en vrai en fait. Mais la nature est magie. C'est pas faux. Mais ouais, c'est ouais complètement, faux. Complètement. D'ailleurs, vous savez ce qui est magique aussi ? La musique. La musique, effectivement. La musique. Ouais, je vais pas vous la faire à l'envers. Hein. La reprise de Boys Avenue qui reprend Green Day. C'est le titre Good Riddance sur Indestar. 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et oui, vous êtes sur Indestar et on est vendredi soir. Il est 22h. Vous êtes dans l'émission spéciale Harry Potter. Il y a toujours Cindy. Cindy, es-tu toujours là ? Oui. Jusque-là, oui, ça va. Oui, je suis là. Le petit punk ne m'a pas remporté. C'est bon, tant mieux. Tu l'as défoncé, tu as fait un coup d'Avada Kedavra dans la gueule, le machin est mort. Ouais, pas de quartier. Voyons, quand même pas. Ah, bon, je suis pas à ce point-là. D'accord. Je veux bien que j'ai la marque des ténèbres sur le bras. Mais non, mais Cindy sait charmer les créatures fantastiques. Non, mais en fait. Comme un serpent. Elle l'a mis dehors, le piki punk, elle a fermé la fenêtre et elle a dit Accio piki punk et je poum, il se prend la fenêtre dans la gueule depuis tout à l'heure. Non. C'est Petit Ponk. Petit Ponk, ah mince. Avec un... Ah, je... bah ouais, franchement. Ma prononciation. C'est un petit Ponk, ça, tu vois. Petit Ponk. On sait tous que le français, moi, déjà que c'est pas français, c'est. Voilà. Audrey, tu es toujours là ? Ah, bien sûr, évidemment. J'écoute attentivement ce que tu vas nous expliquer sur la vie des acteurs après Harry Potter. Eh oui, parce que forcément, dans les films, bah, c'était des acteurs, hein, forcément. Et bah, une fois que les films sont finis. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont pas morts, figurez-vous. C'est génial. Bah, encore heureux. Oui. Oui, clairement, c'est encore heureux. Donc, ils ont eu beaucoup de choses à faire, j'imagine, après le film. Et on va... Je vais en parler un peu de chacun d'entre eux. Et je vais commencer par Daniel Radcliffe. Donc, il joue... Merde, j'ai bouffé son nom. Oui, ouais, Radcliffe, c'est bien aussi. Ouais. Radcliffe, allez. Radcliffe. Wesh, Radcliffe. Non. Qui joue Harry Potter. Oh, je... Waouh, wow, quand même. Eh, t'es dit FNH. Eh, ouais, ah, mais c'est 22h. Saga, quoi. Ouais, on fait quoi? Il est 22h, et ça fait déjà une demi-heure qu'il aurait dû dormir. Là, ouais. Il en peut plus de sa vie. C'est une spéciale quoi qu'on fait ce soir, déjà? J'ai oublié. Seigneur des Anneaux, non, c'est ça? Moi, ça peut être ça, ouais. Ouais. Daniel Radcliffe, ouais. Spécial Daniel Radcliffe. Bon, Daniel Radcliffe qui a 31 ans. Waouh, c'est vrai? Sérieux? Putain. Ouais, c'est vrai, wow, c'est vrai. C'est même pas un mensonge. Okay, ouais. C'est même pas un mensonge. J'avoue. Ok. Wow. Donc, après la série des Harry Potter, alors forcément, il a une renommée mondiale. Ils ont quasiment tous eu une renommée mondiale. Parce que forcément, les films ont une renommée mondiale. Mais on est d'accord que ça l'a fait connaître avant. Bah oui, il était totalement inconnu du grand public. Même Daniel si. Radcliffe. Alors. Pas totalement inconnu. Pas vraiment. Il a pas déjà, vraiment. Il a déjà été dans le cinéma avant, notamment en 99, c'est sa première apparition au cinéma. Il a fait, ça s'appelle comment? David Copperfield, voilà. C'était ouais, un téléfilm anglais et il a apparu dedans. Il faisait David Copperfield John. Au côté de Maggie Smith, oui, qui joue c'est ça. McGonagall. Ouais, exactement. Et Dolores Ombrage aussi. Elle était dedans, enfin dans ce David Copperfield aussi. Oui, exact, ouais. Ouais. Waouh. Je me suis renseigné. C'est tout petit le monde du ciné. Ouais, bah ouais. Ah oui, complètement, ouais. Donc, une fois que ces Harry Potter sont faits, eh ben, il a décidé de passer à autre chose. Il est passé sur un registre horrifique, vu qu'il va faire un film qui s'appelle La Dame en Noir. Oh ouais. Oh, ouais, mais c'était pas bien. Je ne l'ai pas vu. Mais bon. Moi, je l'ai vu, c'était nul. Personnellement, ben, je pense que... Moi, il m'a fait flipper, voilà. Ah oui, il m'a fait flipper de ouf aussi. Fallait un mais petit j'ai temps. Trouvé que c'était nul. Fallait un petit temps pour qu'il sorte de son rôle d'Harry Potter, pour que nous on l'apprécie en tant qu'acteur et plus qu'en tant qu'Harry Potter. Je pense on devait tous s'y habituer. Ouais. Donc la Dame en Noir, ouais, c'était le brouillon. Oh, c'est méchant dit comme ça. Bon, bien sûr, je vais pas parler de tous les films qu'ils ont fait parce que il y en a certains, ils ont vraiment beaucoup. Il y en a pas mal. Mais je vais en parler de certains. En 2014, il a fait Horns, une adaptation du roman Korn. Je connais pas, mais vu que c'est un livre, Audrey, tu connais. Oui, oui, enfin, voilà. Je connais, je l'ai pas lu, mais c'est. Ouais, oui, mais... ça me rappelle quelque chose. Il y a des cornes qui lui poussent sur la tête, là. Attends, ça me dit. Oui, ouais. Parce que Horns en plus veut dire corne, mais. Oui. D'ailleurs, oh là là, merci, bravo, clap, ouais, tap, bravo, clap, bravo. On applaudit. En québécois, il s'appelle Korn, le film, pour te dire. Parce que les Québécois, ils font toujours tout de travers pour les films. Parce que non, les Québécois, c'est les mieux. Arrête. Arrête tout de suite. On verra quand j'y serai. Mais bon. Voilà, nos cousins sont les mieux. En 2015, il tourne dans un film qui s'appelle Dr. Frankenstein. Bon, jusque-là, ça va, c'est assez explicite. Yes. En 2015 encore, il fait un film... Enfin, il est dans un film un peu spécial. C'est un documentaire fiction sur Rockstar. Rockstar, c'est le créateur de GTA. Je sais pas si vous voyez. Le film, il s'appelle The Game Changers. Grosso modo, l'histoire, c'est un documentaire sur ceux qui président Rockstar. Il y en a deux, je sais plus leur nom. Et il y en a un, il est pas trop d'accord sur le nombre de violences qu'il y a dans le jeu. Donc il y a une discorde un peu. Et donc c'est un document fiction sur ça. D'accord. Pas très connu, mais bon, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Voilà. Ça c'est pour Théo, ça, tu vois. GTA, hop, petite pensée pour toi. Un petit léchage de cul comme il faut. Ouais. Voilà. En 2019, donc plus récemment, il a sorti un film. J'ai adoré voir les images, enfin la bande-annonce de ça. Il s'appelle Guns Akimbo. Alors, dans la bande-annonce, on voit Daniel Radcliffe avec des pistolets dans la main, deux Akimbo et des chaussons. Mais des chaussons type. Comment on appelle ça? Des charentaises? Non, ah non, ah non, non, non. Non, c'est des chaussons. Des chaussons en tête d'animal, quoi, en ours ou en patte d'ours. Ah. Ouais, en patte d'ours. Ah oui, avec une tête dessus de licorne ou un truc. Ouais, mais je sais pas s'il y a une tête. Je crois que c'est des lapins. Je crois que c'est des lapins. Je sais plus. Mais et il a un peignoir rayé, genre. Mais ça fait totalement ridicule. Mais c'est excellent. Alors, c'est. En fait, si tu veux, c'est que c'est Harry Potter qui s'est fait licencier après son rôle d'horreur et ça l'a détruit, quoi. Non, mais c'est le bad d'Harry Potter. franchement, il y a eu plein de mèmes qu'on tournait sur ce genre d'image, parce que franchement, c'est cool. Tu vois Harry Potter avec deux flingues, des pantoufles. Non, oui. Tu peux que en rire, forcément. Ah bah non, mais il s'est pris un ridiculus, là, c'est... Puissance 10. Ah bah là, complètement. Dans ce film, Daniel, il incarne Miles, un jeune développeur de jeux vidéo raté, outré par une émission de divertissement un peu sordide qui s'appelle, attention, Schism. S-K-I-Z-M. Je peux pas dire ça en français. Je n'y arriverai pas. Donc dans cette émission, ça consiste à s'entretuer en fait, tout simplement. C'est Hunger Games en version avec des flingues. Ah ouais. Ouais. Ah super. Donc c'est un divertissement qui marche très bien et tout le monde accepte ça. Lui pas trop, donc il va envoyer des messages d'insultes, des messages méchants envers les spectateurs pour leur dire mais vous êtes cons, enfin vous êtes pétés, enfin ce genre de truc. Et du coup il va se retrouver dans le jeu. Ouais voilà, la production du jeu, la production. Je t'ai remarqué toi, bah oh tiens on va aller peut-être chez lui, on va peut-être le droguer, on va peut-être l'emmener et pouf on va peut-être lui visser des enfin visser. Si ils sont, c'est, il a deux flingues attachées à ses mains et il peut pas les enlever en fait. Donc il est obligé de participer à ce jeu. Il est lâché dans le jeu. Il doit affronter une tueuse qui est professionnelle par contre, parce que c'est souvent ça, c'est des tueurs contre des gens lambda. Donc il doit se battre contre elle et il a 24 heures, sinon au bout de 24 heures c'est elle qui la bute. Enfin c'est elle qui bute Daniel. Ou Miles. Incroyable. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez. J'ai envie de voir ce film, clairement. Moi aussi, là, sur le coup, j'ai envie de le voir. Ça fait un moment que je vois les images passer et ça me fait marrer. Bah, moi, c'est Guélan, tu vois, qui partageait beaucoup de trucs. Donc, Guélan, un petit coucou à toi. C'est grâce à toi que j'ai envie de regarder ce film parce que c'est toi qui m'as partagé les images. Donc, voilà. Donc, ouais, un film super à regarder. Donc, après aussi, Daniel Radcliffe a fait aussi du théâtre hein, pendant tout ça. Il a participé aussi à des événements. Comment on appelle ça ? Des assos et tout ça. Voilà, donc moi je voulais surtout m'intéresser à sa partie cinématographique. C'était tout pour Daniel. Maintenant on va passer à Emma Watson. Emma Watson qui la est la grande Emma. Ma préférée, la mieux, voilà, pour reprendre tes mots. Incroyable. Non mais cette femme est incroyable dans ses engagements politiques, féministes. Elle fait des trucs de ouf. Oui. Elle fait des trucs de dingue. Elle a 30 ans. Jusque là ça va. Ouais, donc c'est bon. En 2012, après avoir fait les Harry Potter. Elle va faire un film qui s'appelle My Week with Marilyn. Ah, je l'ai trop mal dit, mais en gros, c'est un week-end avec Marilyn. Et c'est bien une référence à Marilyn Monroe, parce que c'est l'histoire de Marilyn Monroe. Donc dans ce film, elle va jouer la costumière de Marilyn Monroe. D'accord. Voilà, voilà. Ça commence la petite carrière quand même, tranquille. Après, en 2013, elle joue dans un film qui s'appelle The Bling Ring. L'anneau brillant, ouais, oh. Ouais, c'est ça. Donc, le concept, c'est des jeunes obsédés par des célébrités. Donc, ils adorent les célébrités tellement qu'ils vont les traquer sur internet, partout, sur les réseaux sociaux, pour savoir où est-ce qu'ils sont, pour pouvoir dévaliser les demeures des célébrités, en fait. Donc, dedans, t'as. Ah, c'est un Sofia Coppola. D'accord. Alors, je sais pas qui c'est, lui, mais oui, sans doute. Non, je mais Bling Ring, parole. Le réalisateur, enfin la réalisatrice, pardon, c'est Sofia Coppola. Ah oui, ah bah, je l'avais vu, oui. Oui. En 2015, elle a fait un film très engagé qui s'appelle Columbia. Il était bien. Ça raconte le coup d'État. Colombiana. Non, Colonia. Colonia, oui. Je l'ai mal écrit. Oh oui, c'est pas. De rien, Florian Gallenberger. Rien à voir avec la Colombie. C'est clair. Non, c'est pour ça que j'étais là, genre Colombiana, c'est pas du tout elle. Bah non, ouais, non. Non, Colombia de Florian Gallenberger, il est incroyable. C'est ça. Donc là, l'histoire, c'est au Chili, et en fait, c'est plus ou moins un documentaire sur le coup d'État qu'il y a eu le 11 septembre, bizarrement. Un coup d'État au 11 septembre 73 au Chili. Donc voilà, ça raconte ça. En 2017, là c'est un rôle presque iconique pour nous, en tout cas, enfin mondial, La Belle et la Bête. Ouais, mon je Dieu pense ce film. Hein ? Je dis mon Dieu ce film. Tu n'aimes pas ? Le live action d'un Disney, c'est dégueu, non ? J'ai jamais dit que j'aimais ça, j'aime pas les dégueu. Disney de base, mais qu'importe ce que fait Emma Watson, je suis obligé de regarder et d'aimer. Rien que pour son jeu. Ce petit fan hardcore. Mais totalement, il n'y a pas mieux. Enfin, oui. Si, non, je suis fan, j'avoue. En 2019, ça va être. Enfin, c'est le dernier film. T'as oublié, en 2017, elle a fait The Circle. Ah non, mais j'ai pas dit que je disais tous les films. Ouais, mais The Circle, c'est pareil, ça lui a fait gagner un Oscar, je crois, ou une nomination, du ouais, moins. Mais je l'ai pas vu. Elle a été nominée à pas mal de trucs. Et ce film, franchement, si vous ne l'avez pas vu, alors, regardez-le quand vous n'êtes pas trop en bad. Mais alors, waouh! Si vous avez aimé Black Mirror, The Circle, ça va vous... Ça te détruit. Décoller les trous de nez. Vraiment, genre, waouh! Non, par contre, en 2019, il y a les filles de... du Dr. Marsh. Du Dr. Marsh. Ouais. Elle joue dedans, elle joue Meg Marsh. Je l'ai pas encore vu, là. Oh, il est trop bien. Regarde-le, il est trop bien. Bien sûr. Ah, j'ai une liste longue comme mon bras. Bah, oui, je m'en doute. Il faut que je regarde. Je m'en doute. À côté de ça, évidemment, elle s'est beaucoup engagée pour la cause féminine, ce qui est normal d'ailleurs. Ouais. Bah, oui. Féministe. Elle a des très très belles, très très belles paroles. Il y avait un article, un article, pas vraiment, mais une retranscription d'une de ses interviews qui est juste magistrale. Ouais. Et qui devrait être lu dans les écoles. Et je peux même rajouter à ça qu'elle est ambassadrice de l'ONU féminine. Ouais. Donc bon, ça pèse dans le game. Elle n'a pas écrit un livre ou elle n'est pas en train d'écrire un livre ? Elle a écrit un livre ou qu'elle est en train d'écrire un livre ? Non, quoi ? J'ai pas compris la question. Non, je te demande, est-ce qu'elle a écrit un livre ou elle ne serait pas en train d'écrire un livre ? J'avais entendu parler de ça. Ah, c'est tout à fait possible, hein. Je peux pas te dire. Je suis pas très livre. Emma Watson, autrice. Bah, je te laisse te renseigner. En attendant, je vais continuer sur les acteurs d'Harry Potter. Rupert Grint. Ah, voilà, je vais arriver à le dire correctement, bordel. Donc, il joue Ron Weasley. Il a 32 ans. Donc, voilà. Il a continué un peu dans le cinéma. Il a fait un film. Enfin, un film. Après les Harry Potter. En 2013, il joue dans le film Charlie Countryman. Donc, c'est une comédie policière. Bon, il joue dedans. Après, il a un peu mis de côté le cinéma pour se lancer dans le théâtre. Donc, il a fait beaucoup de théâtre pendant 2 ans. Après, il s'est un peu relancé dans le cinéma. Et, mais il a continué un peu de théâtre aussi. Hein. Attention. En 2015, il joue dans le film Moonwalkers. Donc, c'est une comédie aussi. Il aime bien les comédies, apparemment. En 2017, il va jouer dans une série qui s'appelle Sick Note. Il y a 2 saisons. Je crois qu'elle est sur Apple TV, celle-là. Je suis pas sûr, mais... Elle n'est pas disponible partout, cette série. Enfin, je sais plus. Dans tous les cas, dans cette série, j'ai adoré. Enfin, j'ai envie de la regarder, rien que pour ça. Il joue un gars où tout ce qui se passe dans sa vie, ça se passe mal. Il avait sa copine, Becca, elle va le plaquer. Parce qu'il ment tout le temps. Donc effectivement, il cherche aussi un peu, hein, clairement. Ah, c'est un mytho en plus. Bah oui, non, mais c'est un gros mytho c'est un mytho. Il ment tout le temps. Donc sa copine va le plaquer. Son boulot, il va le perdre. Il travaille dans une boîte d'assurance. Il devait mentir, à mon avis, très souvent. Donc voilà, il perd son job. Et pour finir, un toubib lui détecte un cancer de l'œsophage. Voilà. Donc il va potentiellement le tuer. Mais... Grâce à ce fameux cancer, grâce à cette chose qui est arrivée comme ça, comme un cheveu dans la soupe, il va réussir à faire revenir sa copine et à garder son taf. Et bah c'est cool, enfin c'est cool. C'est un peu vicieux d'utiliser ça quand même pour faire garder ses proches ou son travail. Sauf que gros bémol, le docteur qui a diagnostiqué le cancer d'œsophage, il se trouve que c'est un docteur suicidaire et... comment dire, incompétent. Et en fait, il s'est trompé de diagnostic, c'était pas pour lui le cancer. Ah, donc c'est encore un mensonge. Bah ouais, il a rien. Donc au final, il a rien. Donc ses preuves, enfin il a récupéré sa copine, voilà, en disant qu'il avait un cancer et tout ça. Donc il va essayer de perpétuer ce mensonge du cancer. Ah. Donc il va continuer dans son mensonge, évidemment. Et le docteur va l'encourager pour éviter de perdre son job. Donc ils vont essayer. C'est glauque. Toute la série doit se baser là-dessus, à cacher le fameux secret « Je n'ai pas le cancer ». Ça donne, c'est chaud, mais ça doit être... c'est une série humoristique. Je précise quand même. Donc à mon avis, ça doit être assez sympa à regarder. Oui, c'est tourné à la dérision. Oui, même si le cœur du truc est quand même assez... oui. Ouais. Ouais, on va pas en dire plus. Hein. On va s'arrêter là. Non, vraiment, on va vraiment s'arrêter là en plus. Là, je vous ai fait les 3 acteurs principaux. Plus tard dans... Principaux. Principaux, ouais. Oh. Principaux. Oui, désolé. Principals avec un S. Oui, principal avec un S, voilà, exactement. C'est parce que je suis québécois, donc au Québec, on dit pas principaux, tu vois. Oui, ça doit être ça, ouais. Excuse de merde. Et lance ta musique au lieu de dire des bêtises. Exactement, je vais lancer ma musique. Donc, c'est Nina Attal, son titre... Laisse-moi le temps. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Eh oui, on est sur Indestar, on est bien le vendredi soir. C'est bien une spéciale Harry Potter. Comme vous l'entendez, il y a un petit bed, c'est tiré d'Harry Potter, évidemment. D'ailleurs, au cas où, si vous ne pouvez pas écouter toute cette émission ou si vous n'avez pas eu le temps cette semaine d'écouter l'émission, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien la retrouver en podcast sur indestar.fr. ou sur votre plateforme de podcast comme Spotify, Deezer, n'importe. Et je tiens à préciser aussi, si vous avez envie de participer à cette émission, si vous avez envie de rajouter votre grain de sel, si vous avez envie de dire « Ouais, Teddy, tu dis de la merde !» Eh ben, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Oui, voilà, par exemple. Ouais, j'assume. Je veux pas être un Serdaigle, je veux être un Gryffondor, ok. Bon. Voilà. Venez nous le dire, soit sur Instagram et Facebook, soit en direct. Exactement. Avec le numéro de téléphone. Et bah, mais je l'ai déjà dit le numéro, mais je peux le redire. Bah, 09 70 407 306. Voilà, donc vous pouvez nous contacter. Yes. En attendant, là, on va plus partir sur du théorique, on va partir sur du pratique. Magique. Et du pratique sportif. La pratique sportive. On va aller voler. On va voler. Ah. On va faire un petit tour de vol. Je sais crocheter des serrures. Ah non, c'est pas ça, merde. Là on va partir en cours de vol avec Madame Bibine. Madame Bibine, hein, qu'est-ce qu'on aime son nom. On va partir plus précisément sur du Quidditch. Oui, donc le sport national des sorciers. Exactement, c'est le sport le plus réputé du monde des sorciers. Alors pour la petite anecdote, avant d'entrer dans le vif du sujet, le vif d'or. Pour ceux qui le pour le vif d'or évidemment. Oui. Pour le vif d'or, avant d'entrer dans le vif d'or du sujet, donc. Pour ceux qui ne le savaient pas, J.K. Rowling a inventé ce sport après une dispute avec son petit ami de l'époque dans un hôtel de Manchester. Et en fait, les 150 points apportés par le vif d'or, qui sont assez démesurés quand même comme petit tarif gagnant, on va dire, ouais, sont venus en fait dans son esprit parce qu'elle sentait que ça frustrerait les hommes qui regarderaient et qui liraient. Voilà. C'était pour vous, messieurs. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Bah, en fait, elle s'est dit, vu que c'est du gros préjugé, hein, mais vu que certainement son petit ami devait être mauvais joueur et que ça, certainement, ça l'aurait énervé, lui, elle a décidé de faire en fait un espèce de sport où, à partir du moment où tu attrapes un vif d'or, tu gagnes 150 points. Ah oui, d'un coup. Dans la plupart des cas, tu gagnes, en fait. Oui. C'est genre et frustration. C'est dégueulasse, parce qu'en soi, t'attrapes une petite balle qui vole et ça y est, t'as gagné, quoi. Tu peux avoir l'équipe la plus merdique qui soit, mais avoir l'attrapeur d'élite, bah, il te fait gagner. Voilà. Ouais, c'est ouf, c'est quand même cool. Tu peux être nul dans le sport et gagner. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Tu peux être tout simplement dans l'équipe de Gryffondor, avoir une équipe pourrie et avoir un attrapeur qui fonctionne très bien et du coup, tu gagnes. C'est ça, bah ouais, voilà. Ça, c'est beau le sport, il y a pas mieux à dire. C'est magnifique, et en vrai c'est faux ce que je viens de dire, parce que les Weasley sont très très bons au Quidditch. Ah, c'est pas faux. Mais je l'ai pas dit, parce que c'est un compliment envers les Weasley, donc je ne l'ai pas dit. Ah, j'aime bien, voilà. Le gardien aussi, j'aime bien Olivier Dubois aussi, il est marrant. Ouais, lui il est drôle aussi. Oui, puis j'aime bien quand il se prend un coup de ah bah ouais, de batte dans qui ne kiffe pas ce moment là. Mais bon. Comme quoi, parce qu'il y a plusieurs postes au Quidditch, on est d'accord, mais lui il tient le poste de gardien. Et le poste de gardien, oui, c'est très lui important. Il tient le poste de gardien et il est capitaine aussi. C'est beau. À l'époque où il est à l'école. Voilà. Donc pour petit rappel, le Quidditch, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un sport où on a deux équipes de 7 joueurs qui vont s'affronter. On a chaque équipe donc, qui va devoir garder à travers le gardien justement. 3 anneaux placés en bout de terrain, donc le plus haut de ces anneaux il fait 15 mètres. Ça va. Enfin, il fait 15 mètres, ouais, voilà, il atteint les 15 mètres, donc c'est quand même assez haut, parce que bon, tu fais une chute de 15 mètres de ton balai, t'es mort. T'as des chances de... Ouais. Non, tu meurs pas, parce qu'on est dans un monde magique. Oui, voyons, et qu'il y a du gravier en bas. Ils ont mis ça pour amortir. Et de la terre, surtout. Oui. Non, tu fais un petit flip, comme Draco, tu sais, tu te prends le balai dans la tronche, et après, t'as un mal de vide. Voilà. Excellent. Ouais, c'est... excellent. Et donc... On a ensuite donc 3 poursuiveurs qui doivent se passer une balle qu'on appelle le soifle. Soifle, voilà, le soifle qui doit être lancé dans un des trois anneaux. Et donc, un but vaut 10 points. Voilà. Ensuite, on a l'attrapeur qui est chargé d'attraper le fameux vif d'or, donc qui met fin à la partie et qui rapporte 150 points à l'équipe de... à laquelle appartient l'attrapeur. Comme ça tu veut disais pas tout forcément à l'heure. Dire que l'équipe gagne. Oui, parce que si t'as déjà plus de 150 points dans l'autre équipe, enfin plus de 150 points de différence, voilà. Genre je sais pas si vous êtes à 270 et que l'autre équipe c'est est qu'à 90. Un calcul à faire. Bah oui. Mais bon, niveau calcul, on va pas demander à Théo, quoi. Donc bon. Allez hop, ça c'est gratuit. Est pas là. Ouais, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, tout ça, ça semblait bien simple. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, bon, écoutez les gars, vu qu'on est des bons sorciers sadomaso et qu'on aime bien se faire mal, eh ben on va rajouter deux babales qui sont en fer, s'il vous plaît, quand même, ça qui font sur le joueur le plus proche, ce sont les cognards. Mmh. Et ces petits cognards, bah voilà, ils font sur les joueurs le plus proche, ils font un peu de dégâts quand même, ils ont quand même pété un bras à Harry. C'est pas n'importe quoi, ces petites balles-là. Ouais. Et donc, pour protéger les joueurs qui sont en train de jouer sur le terrain, on a deux batteurs par équipe. Les batteurs, donc leur rôle, c'est repousser les cognards, tout simplement. Mmh. Voilà. C'est simple que ça. Et donc, accessoirement, les envoyer sur l'adversaire. Et accessoirement, quand on est serpentard, les envoyer sur l'adversaire. Effectivement. C'est une stratégie viable. C'est une stratégie qui fonctionne. Hein. Ouais. Mais bon, en même temps, je veux pas dire, mais comme ça, nous, on a gardé la coupe de Quidditch pendant un bon paquet d'années. Et puis après, il y a l'autre Harry Potter qui s'est pointé. Et voilà. Ouais, mais il avait sa dent apparemment. Il était un bon attrapeur déjà de oui, famille en famille. Très très bon attrapeur, Harry Potter, quand même. Une équipe de merde, mais un bon attrapeur. Tu vois, ça fait la différence. Ouais, mais non, c'est pas une équipe de merde, parce que quand même, t'as Ginny Weasley à un moment donné dans l'équipe, oui. Et Ginny, elle envoie du pâté. Les deux totalement. Frangins Weasley aussi, oui. Et Ron, même si il se fait pas confiance du tout, franchement, ils ont quand même une sacrée équipe, les Gryffondors. C'est vrai. Le problème, chez les Serpentards, je ne défends pas du tout mon équipe, le problème, chez les Serpentards, je vais la détruire en moins de deux, l'équipe, c'est ouf. C'est qu'en fait, il y a pas de cohérence d'équipe. Les joueurs sont pas choisis pour le talent. Ah oui, bah oui, la fameuse phrase. Désolé. Les joueurs, ils sont choisis par affinité. Aucun membre de Gryffondor n'a été choisi. Tous les membres de notre équipe ont été choisis pour leur talent. Petite phrase d'Hermione, poufias. Petite phrase d'Hermione, c'est ça, voilà. Ouais. Et le problème, c'est que voilà, du coup, on se retrouve avec une équipe un peu pourrie parce qu'en fait, c'est des brutes sans cervelle. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire ? Genre, il y en a un qui réfléchit dedans, c'est Draco, il réfléchit avec sa jalousie, donc ça va pas aller bien loin. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Parce qu'il est pas mauvais en plus. Non, il est pas mauvais et c'est bien ça le problème. C'est dans les livres, il est bon en fait. C'est juste son caractère qui pose problème. Dans les films, ils nous ont saccagé ses talents au Quidditch, parce qu'il faut quand même se dire que le gamin, il sait faire un flip sur son balai à 11 piges. Ouais. Ouais, non, mais il est pas mauvais, hein. On le voit bien. Il arrive à suivre Harry quand même. Ils font tous les deux une belle course poursuite. C'est juste qu'à la fin, qui est pas mal, quoi. Oui, c'est sûr. On voit pas la fangirl. Non, c'est pas le côté fangirl, c'est juste de dire, parce que quand tu regardes, les autres Serpentards. Sans jouer la finger, les autres Serpentards, ils sont pas ouf, quoi. Mmh. Et d'un côté, t'as Draco qui se démarque vachement parce que c'est le principal rival d'Harry Potter. Mmh, c'est ça. Et on va pas se mentir, ils avaient aussi les meilleurs balais dans le 1. Et ils se font éclater comme pas deux, les Serpentards. Ouais. Bon, ouais, alors, comme quoi, même avec le meilleur matos, c'est vraiment des quiches pour certains. Il y a vraiment que Drago qui arrive à faire quelque chose avec un. Enfin, qui arrive à faire quelque chose, tout court. Bah, et puis qui arrive à pourchasser Harry au cul alors que lui il a un éclair de feu et que Draco il a pas un éclair de feu. Hein. Oui. Moi je veux pas dire, il y en a pas beaucoup des joueurs de Quidditch qui arrivent à rivaliser avec l'éclair de feu, tu vois. Aussi doué soit-il, il était doué. Voilà. Et du coup, donc on en arrive quand même pour revenir un peu à nos moutons. L'histoire du Quidditch. Parce que c'est un sport qui s'est inventé quand même. C'est pas un sport qui est arrivé comme ça sur la table en mode on claque des doigts. Non, il a une histoire ce sport. Et c'est assez marrant. Vous allez voir. Donc la première version du Quidditch, elle est née dans les marais de Quidditch au 11e siècle. Mmh. Et donc on a un petit pecno qui était sur la berge et qui voit deux autres pecno dans leur barque en train de se lancer une espèce de grosse balle. en cuir, donc qui est en fait le prototype du Swaffle. Ouais. Et qui se dit, mais alors, eux, ils sont vraiment, ils ont vraiment un petit souci quand même. C'est vraiment des teubés. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'était un peu une attraction pour lui à l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il avait rien d'autre à faire, le lendemain, il y retourne. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, qu'il y a deux pierres ensorcelées qui volent maintenant autour des joueurs. J'ai cru que t'allais dire de désarçonner les joueurs de leur balai. J'ai cru que t'allais dire que c'était lui qui les jetait sur les adversaires. Non. Et donc ça, c'est le prototype des cognards. Donc là, le mec a dû se dire quand même, ils sont vraiment teubés, parce que pour s'envoyer des pierres dans la tronche, faut quand même en vouloir. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on va avoir une petite évolution comme ça qui va se faire avec, sur le coup, des vraies balles qui vont être créées et tout ça. Parce que ce petit sport, finalement, très local, va prendre un peu d'ampleur et on va commencer à organiser des matchs. Le Vif d'Or va apparaître en 1269 seulement. Il va apparaître d'une façon assez amusante là aussi, parce qu'en fait on a donc le chef du conseil des sorciers de l'époque, donc en gros le ministère de la magie de l'époque, ouais, qui s'appelle du coup Barberus Brage, qui va apporter ce qu'on appelle un vivet doré. Donc le vivet doré, c'est une créature, c'est un petit oiseau doré qui ressemble à une espèce de boule en fait à plumes et qui vole extrêmement vite. Ah. C'est un peu un colibri, mais obèse. Voilà. Excellent. Et donc, le mec, il arrive avec ça. Il arrive avec un petit vivet doré en cage. Et il va offrir 1 million de galions actuels à celui qui parvient à attraper l'oiseau. Et donc, ça lance une véritable pagaille phénoménale au cours du match de Quaritch. Parce que ça s'appelle le Quaritch à cette époque-là. Ouais. Pourquoi? Parce que les joueurs, tu leur dis ok, on vous offre 1 million de galions. On arrête le match, on continue, hein, on va choper le piaf. Hein. Ah bah oui, complètement, ils ont tous arrêté le match et ils ont traqué l'oiseau jusqu'à ce que mort s'en suive pour l'oiseau. Voilà. Ah, ils l'ont donc tué. Donc finalement, non, ils l'ont pas tué. Non, il y a une fille qui s'appelait, j'avais perdu son nom, Mathilda, je crois, un truc dans le genre. Enfin, ça finit en A, ça commence par un M. J'ai perdu son nom à cette pauvre dame, je suis désolée pour elle. Elle, donc outrée par la pratique, a tout fait en fait pour récupérer l'oiseau et le sauver en fait de là. D'accord. Et donc elle a voulu, elle a réussi à sauver l'oiseau finalement. C'est beau. Mais ça va lancer malheureusement une nouvelle mode avec un lâcher de vivet doré à chaque début de match. Et là, pour le coup, la partie ne prendra fin qu'une fois l'oiseau attrapé par le chasseur et tué. Donc voilà. C'est moins cool. Ouais. Ce qui fait qu'au milieu du XIVe siècle, la population de vivets dorés a tellement chuté que la nouvelle chef du conseil des sorciers, Elfrida Klag, super nom, va s'insurger parfaitement contre cette pratique. Et du coup, on note quand même qu'au XIVe siècle, les sorciers avaient aucun mal à laisser le pouvoir aux femmes. Moi, je dis vive la société moderne. C'est pas mal quand même. C'est pas fou. Et donc, du coup, Elfrida va interdire l'utilisation des vivets dorés lors des matchs et va classer l'espèce en espèce protégée. Et donc là, on a nos petits joueurs de Quidditch qui se retrouvent un peu comme des bleus. Ils se disent, ok, on a un soif, on a deux cognards, par contre, on n'a plus de vivets dorés. Comment on va faire? Donc toutes les équipes de Quidditch cherchent un oiseau de substitution, parce que eux ils sont pas en mode dommage, ça tue des piafs. On va pas prendre une pierre et la faire voler quoi. On va prendre un piaf. Voilà, c'est ça. Et là on a un ensorceleur assez puissant qui s'appelle Bowman Wright, qui est originaire, attention roulement de tambour, comme par hasard, de Godric's Hollow, qui va façonner le tout premier vif d'or. Et on considère que c'est cette invention, en fait, qui va marquer la fin de l'évolution du Quidditch, qui a quand même commencé 3 siècles plus tôt. Ouais. Et ça, c'est beau, parce que lui, du coup, grâce à lui, il n'y a plus un seul piaf qui a perdu ses plumes pendant un match de Quidditch. C'est plutôt ça, cool, c'est beau. Effectivement. C'est beau. Les vivets d'or ont pu survivre. On a donc, par rapport au phénomène Harry Potter et au phénomène Quidditch, on a pas mal de choses qui se sont développées, du coup, on en parlait là, tout à l'heure avec Audrey en off. On a du Quidditch moldu qui s'est développé avec quand même 10 coupes officielles en France. Et on a aussi des coupes européennes qui se font et tout ça. Donc, Donc voilà, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est très sympa, c'est très sympa à voir, et je suis sûre que vous en avez dans vos villes, pas loin de chez vous. Vous pouvez taper Quidditch avec le nom de votre ville et vous trouverez vos équipes pas très loin. Et une fois que tout ce bin sera fini, je suis sûre qu'ils seront ravis de vous accueillir pendant leur entraînement. C'est très chouette. Ça fait partie des nouveaux sports développés récemment. Si jamais il y a des animateurs de Quidditch, de deux, de colonies, voilà, c'est ça. Ah, oui, de colonies de vacances ou ce genre de choses, sachez qu'il y a certaines équipes qui font des devis pour justement... Ah, des animations Ouais, voilà, ils font des devis pour des animations et tout ça. C'est, j'ai une pote qui est animatrice et qui avait fait venir une équipe de Quidditch pour les gosses, en fait, et du coup, bah, voilà, les c'est quand même vachement cool. Ouais, c'est ça. On est d'accord, il n'y a pas de cognard. Il n'y a pas de cognard. Il n'y a pas de cognard. Si, il y a un... Alors, si, enfin, si. Il y a des trucs... Si, il y a des gens qui lancent des cailloux. Faut avoir un bon cardio. Tu m'étonnes. Bah, surtout l'attrapeur qui doit courir après le... Enfin, le vif d'or en lui-même, déjà, doit avoir un bon cardio. Parce que, du coup, le vif d'or est humain. Ah bah, on prend des humains, maintenant. Ah bah, c'est bien. Bah ouais, mais à défaut de tuer des piafs... Non, mais je suis pour. Prenons des humains. Et le cognard aussi, c'est un humain. Oui. Oui, ouais, le cognard est un humain aussi. Ouais. Je veux être un cognard. Voilà, je savais que ça allait plaire. Tu pourras faire des plaquages aux gens et tout, ça peut être très très drôle. Excellent. Et voilà, donc le Quidditch, c'est quand même le gros sport des sorciers et tout ça, et qui est très présent dans les livres, qui est malheureusement pas très présent dans les films. Et c'est un peu dommage parce qu'ils l'ont plutôt bien représenté dans les premiers films, mais on perd un peu... On perd un peu ça dans les ouais, films. C'est ça. Après, plus sombre. Il y a que dans le 4 où qu'on voit encore la finale de l'équipe de Crumb là contre le 5, les Bulgares contre je sais plus qui là. Vite fait, ouais. Puis dans le 5, ouais, tu vois Ron essayer de se mettre au Quidditch. C'est ça. Et puis t'as le truc de Ombrage qui veut pas laisser Harry faire du Quidditch machin tout ça, mais qui c'est trop, accueille à bras ouverts le fils de Draco, de Lucius Malfoy. Bye bye. Mais voilà, ouais, effectivement, donc... c'est dommage, ça se perd, parce que en plus, c'est quelque chose qui est très très important dans les livres pour Harry, et c'est vraiment dommage que ça se perde dans les films. D'accord. J'ai une petite question pour toi, Cindy. Si tu pouvais jouer au Quidditch, alors façon sorcier évidemment, tu serais à quel poste, toi? Tu préférais quel poste? Alors, moi, je serais attrapeuse. Ah, je m'en doutais. Tu as de l'ambition. Hey. Et toi, Teddy? Ah, j'hésite, moi. Autant j'aimerais bien être... J'aimerais bien pour Spooker. Je pourrais être... Oh, je sais pas. J'ai un fait pour le gardien, parce que j'aime être gardien de tous les sports, en fait. J'aime bien arrêter des choses. Moi, j'aime bien courir comme une débile, alors poursuivre, ça me va très bien. Ah oui, j'aurais bien aimé être cogneur, à la rigueur, aussi. Pourquoi pas protéger son équipe, j'aime bien aussi. Mais gardien, ouais, j'aime bien être gardien, parce que t'as un rôle clé, en fait, dans un match. Puis tu protèges, là. Tu protèges les cages, tu protèges, je sais pas, généralement, ce genre de truc. Tu protèges, donc j'aime bien avoir ce petit rôle-là. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Pouf, un cognard dans la gueule, hop, fini. Hop, voilà. Bon, voilà. Et c'est fini, chute de 15 mètres de haut et basta. C'est ça. À l'infirmerie. Toi, Audrey, tu serais quoi comme tu serais à quel poste? Bon, moi, comme dans tous les sports, je serais la supportrice. Je serais là genre, ouais, allez-y, go. Voilà, je suis dans les gradins. Faut lui un cognard dans la gueule, bordel. Qu'est-ce que t'entends? Merci. D'accord. Non, mais c'est cool. D'accord. Au moins, on a au moins une supportrice dans notre match. C'est pas faux. Ah bah, votre fan numéro 1. Alors du coup, tu supportes quelle team S? Team Serpentard? Peu importe, ce que vous voulez. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. J'adore le sport. Je suis la suite. C'est ça, je prends un bon bouquin, je me cale dans les gradins et je suis là genre, oui. Mais t'es Serdeg, toi, en fait. Peut-être. Ça sent, ouais. Ça sent le Serdeg, là, tu vois. Ouais, ça sent le Serdeg, je pense. Et eh ben alors soyons piaf. Soyons piaf. Allez, vive Edith. C'est tout pour moi. Alors, si Cindy, c'était très drôle. On n'est pas obligé que d'être que des piafs, hein. On peut aussi être des rossignols et chanter. Ouh, oui, ouh, transition. Oh. Ah, vous l'avez senti celle-là? Vous l'avez senti cette transition magnifique? Oh là là, c'est magnifique. On va écouter le titre Funny de Jamin Thompson. Et c'est sur Indestar. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Eh oui, jusqu'à 23h. Alors, certainement plus, parce que bon, vous commencez à connaître la maison. 23h, on les tient pas très souvent. Encore plus là, actuellement, parce que c'est une spéciale, pas Cindy, une spéciale Harry Potter. Mais j'ai failli dire Cindy. Un peu spécial Cindy quand même. Un peu spécial Cindy. Si vous êtes fan d'Harry Potter ou de Cindy, ça marche. Dans les deux cas, ça marche. Donc, comme vous l'avez compris, spécial Harry Potter, on va parler... qu'est-ce que je vais parler ? Ah si, je vais parler de qu'est-ce qu'ils ont fait les acteurs après Harry Potter. On a déjà commencé tout à l'heure. Hein ? Partie 2, effectivement. Parce que sur le conducteur, c'est écrit partie 2. Oui, tu vas nous présenter les autres acteurs une fois que tu nous as présenté les têtes de liste. Parce que vous connaissez tous... Il y a aussi tous des rôles secondaires, mais quand même importants dans Harry Potter. Bah oui, notamment Tom Felton. Si je n'avais pas parlé de Tom Felton, Cindy m'aurait incendié. Mais c'est normal. c'est ton petit chouchou quand même, on va pas se mentir. Alors, Tom Felton. Bah. Oui. Non, j'allais dire, en soi, moi, c'est pas l'acteur que j'apprécie, c'est le personnage. Mais l'acteur en tant qu'humain est très très bien aussi. Ouais, il est sympa. Mais ils sont tous très très bien, les acteurs d'Harry Potter. Faire Harry Potter, ça les a rendus sympas. Enfin, je sais pas, mais plutôt cool. Tom Felton, qui a... C'était des gros connards avant. mais totalement. Avant, après, tu vois. Tom Felton, qui a 33 ans. Donc, il est plus vieux que les trois autres. Ouais. Après Harry Potter, en 2011, il a tourné dans le film La planète des singes, les origines. Je sais pas quel rôle il a, j'espère qu'ils n'ont pas donné un singe quand même. Non, il a le rôle d'un garde. Ah merde, dit comme ça, ça a l'air vachement nul. Il a le rôle d'un... Il me semble que c'est ça, je crois qu'il a le rôle d'un garde... Mais pas... Ah, un garde important quand même. Peut-être. Ça, je pourrais pas te dire. D'accord, c'est pas grave. Bon, vous pouvez le retrouver dans La planète des singes, les origines, ça c'est sûr. En 2012, il va tourner un film dramatique historique qui s'appelle En secret. Voilà. Encore en 2012, il carbure là quand même. 2012, c'est son année, hein. Il a fait deux trucs. Il tourne un drame sportif. Alors par contre, c'est que des drames. Hein. Deux drames. À part La planète des singes. C'est un truc super ouf. Ouais. Et dans le drame From the Roof. Ouais. À tes souhaits, Teddy. R-O-U-G-H, je sais pas prononcer cette chose. Autant le roux, je peux, autant le G-H, non, ça m'inspire pas là. J'ai pas de syllabe qui vient avec ça. R-O-U-G-H. Roof. Roof. Roof. Roof. Roof. Roof. Exactement. D'accord. Donc il a joué un drama sportif sur les chiens. Faut croire. La pub de Royal Canin en film. Tom Felton a fait la BO. Précision, oui. La planète des singes, c'est bien un gardien et c'est pas n'importe quel gardien, c'est le gardien du fils du refuge. Il joue Dodge London. D'accord. Ok. Voilà. Merci pour cette petite précision, Cindy. À vous les studios. Non, y a pas de souci. J'avais envie de dire ça. En 2014, il interprète le rôle de Julian Robert dans la série The Flash. Donc là, il a quand même un rôle. On va pas se mentir. The Flash est quand même une série mondiale. En plus, c'est quand même assez drôle parce qu'ils font plein de références à Harry Potter. Ils ont carrément repris des répliques de Draco Malfoy qu'ils ont foutu dans le show. Quoi. Excellent. Ma foi, bah non, mais c'est cool. On aime bien les petits. Comment ça s'appelle? Easter eggs? Non. Ouais, si, c'est ça. Ça peut être ça. Ouais. Et puis oui, des petites références. C'est des petites citations, quoi. Sachant qu'il apparaît que dans la. Enfin, des pas que. Clin d'œil. Il apparaît à partir de la saison 3 de The Flash. Donc si vous voulez le voir, commencez directement à la saison 3. Même si je pense que ce serait quand même plus intelligent de commencer par le début. Mais bon, c'est vous qui... Oui, voyez. J'avoue que ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut aider à la compréhension, quoi. En 2018, il va jouer aussi dans une autre série qui s'appelle Origine. Sur YouTube. Ah, oui. Sur YouTube, effectivement. Voilà. À côté de ça... D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai commencé à regarder Origine sur YouTube. Ouais. Et franchement... C'est nul, non? Bah, c'est pas que c'est nul... Mais pas loin. C'est que il a, c'est pas il bien. A... Non, il a un peu foiré son jeu d'acteur. Ah bah on peut pas être parfait tout le temps. La preuve. Regardez Origine, vous le verrez, chier son rôle. Non, c'est, il joue Draco en fait, c'est du coup ça se voit. Ah ouais. Il a peut-être eu du mal à sortir Mais de son rôle qu'il de Draco. Il a été mal guidé aussi. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'en soi, généralement, quand un acteur est bon sur un rôle, c'est qu'il a bon été très bien encadré. Ouais, voilà, ça dépend aussi du réalisateur qui l'encadre. Oui. Si t'as un réalisateur où ça passe pas, ou ce genre de truc, t'as de grandes chances que l'acteur derrière il joue comme une quiche, alors qu'en soi il joue bien, tu vois. Mmh. D'accord. À côté de sa carrière de cinéma, il s'est aussi lancé dans la musique. Je crois que c'est le seul à avoir fait ça. Depuis 2017, hein, donc pendant les films, hein, il a commencé, il a lancé sa carrière musicale avec un pseudo. Il s'appelle Felt Beats. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Il sort un album qui s'appelle In God's Hand, donc dans les mains de Dieu, en 2009. Suivi d'un morceau qui s'appelle Hawaii, en 2010. J'imagine que c'est là qu'il a appris à jouer du ukulélé, parce qu'il sait jouer du ukulélé. C'est la classe internationale. Oui. Rien que pour ça. Ouais, c'est de là qu'il a dû sortir son nouveau style aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. J'avoue, c'est pas faux. Son nouveau style vestimentaire. Parce qu'il ressemble à quoi ? Ah, il ressemble un peu à un hippie quand même. Hein. Ah, bah oui, complètement. Ouais, c'est même. C'est le stéréotype du hippie, clairement. Il perd un peu de cheveux sur le dessus. Il commence à être dégarni sur le devant des cheveux. Là. Ouais. C'est la vie. En 2017, il sort trois titres : Luster, Dreamer et You I Chose. Oh, c'était nul celui-là. Oh, t'es dit. C'est magnifique. T'es dit. Merci. Non mais appréciez-moi comme je suis, s'il vous plaît. Oh ben, jetez-lui des cailloux. Voilà. Donc. Et donc quand même, il fait du cinéma et de la musique, c'est la classe. On va pas se mentir. Mmh. Et il sait jouer trois instruments, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, le ukulélé, mais généralement c'est quand même la guitare qui joue le plus et le piano aussi. En sachant que la guitare, il s'amuse aussi à aller dans les rues, à faire de la guitare. Il en fait à des événements partout. Et il chante un peu partout, à droite, à gauche. Il aime bien chanter. Ouais, ça c'était avant. Pardon. Non, ça, c'était avant. Ah oui, COVID, oui. Quoi. Oui. C'est pas faux. Bah maintenant, maintenant il chante toujours chez lui. Il a plus de 8 millions abonnés sur TikTok et 10 millions sur un autre réseau que j'ai oublié. Sur Twitch, tu crois ? Peut-être. Sur Insta ? Peut-être. Bah un autre réseau. Donc okay. ça fait sa fan, enfin il a une fanbase assez importante. Une bonne fanbase. Oui. Sur Insta, il poste pas mal de trucs de musique. Bah voilà. Donc bon. Alors voilà, nous avons notre réponse. Il est toujours là, il est toujours présent, toujours debout. Il fait de la musique. Non, ça c'est Renaud. C'est ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est le Renaud français, le il Renaud fait de anglais. La musique. Il fait de la musique et il s'occupe de son chien. Ça c'est très important. C'est même le plus important. Il a un chien. Là, il gagne 2 points. Chien. Là, je dirais même 2 points pour Serpentard. Voilà. Parce que. Whomping Willow, je crois. Donc, Falconia. Mignon. En parlant de mignon, on va parler d'une actrice. Évidemment, ma deuxième préférée dans la saga. Personne n'a retenu. C'est génial. C'est Ginny. Pardon, c'est Bonnie, ouais. Oui. J'attendais le moment, là, mais non. J'ai senti que c'était pas tout de suite. Fallait pas vous demander tout de suite, là. Bon. Elle a 29 ans et elle va avoir 30 ans le 17 février. Je préfère pensez le préciser elle. Parce que c'est bientôt. Et ouais, ah bah grosse pensée à elle, hein, clairement. Là, si tu m'entends, si tu m'écoutes, ça arrivera jamais, mais bon. Voilà. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu lui as offert un cadeau, j'espère. Bien sûr. J'ai offert mes plus belles pensées, dis donc. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Ouais. Teddy, ce lover. Ce soir, juste pour vous, messieurs, dames. Teddy, the lover. Teddy en mode love. Alors, Bonnie Wright a joué dans un film dramatique qui s'appelle The Sea. Non, je vais arrêter cette voix, ça m'énerve. Elle a joué dans... Ça risque d'énerver les auditeurs aussi. C'est pas faux. Elle a joué dans trois films dramatiques en plus, apparemment. The Sea, Before I Sleep. Donc c'est parfois Je dors, c'est ça ? Avant que je dorme. Ah oui, ah, j'ai confondu. Et le dernier, c'est Géographie du cœur malchanceux. Le titre, c'est le fun, la joie, tout ah mais, ça. Tout non ça, mais clairement. La bonne humeur, mais ouais. Quand je dis dramatique, c'est tout le temps. Hein. Le drame, elle aime ça, quoi. Tout y va bien, ouais. Bref, en 2013, elle va jouer dans un autre film. Alors ce film a deux noms, j'ai pas compris pourquoi. Soit il s'appelle After the Dark ou The Philosophers. À vous de choisir. Ça dépend peut-être de où il a été sorti. Ouais, peut-être, sans doute, mais j'ai pas vu d'informations, donc parce que d'habitude ils écrivent, enfin, je vois le titre et à côté il y a écrit ou en québécois, voilà. Et c'est souvent en, ou alors, en québécois, après, hein, clairement. Nos cousins québécois, on pense très fort à vous, on vous aime. Oui, je vous rejoindrai peut-être un jour. Le film a deux titres aussi, un officiel et un non officiel. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Ça arrive. Dans ce film, ah non, non, c'est pas dans ce film, pardon. Non, c'est en 2012. C'est pas le film, ça. Non. On revient un an en arrière. Qu'est-ce que tu racontes ? Avant de faire. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, de la merde, clairement, de la merde. Il est plus de 23h. Non, il est 23h. Et c'est fini. Alors, ça y est, adieu, Teddy. Si je veux chipoter, il est 22h59 et 15 secondes, s'il te plaît. Donc ne dis pas qu'il est 23h, ok ? Bref, en 2012, donc avant de sortir. Enfin, avant de faire le film After the Darks, elle fonde sa société de production de films, hein, forcément. Bonbon Lumière. Pourquoi ? Je sais pas. C'est même ridicule comme nom, je trouve, mais bon, si ça lui fait plaisir, Candy j'accepte. Light, c'est pas ouf. Candy Light, c'est ça ? Non, Bonbon Lumière. B-O-N, d'accord. Espace, B-O-N, oh, en français. Lumière. Ouais, en français. Pourquoi ? Je sais pas. Bref. Grâce à cette boîte de prod, elle va réaliser elle-même son premier court-métrage qui s'appelle Separate We Come, Separate We Go. Donc, séparés, je sais pas. Nous venons, et séparés, nous allons. J'imagine. Nous partons, ouais. Ouais, bah c'est ça. Bah, ouais. Ouais. Mais c'est un court-métrage. Des traductions approximatives, hein, vous nous excuserez. Hein, ouais, c'est voilà. Pas ouf, c'est de l'impro. C'est de l'impro. C'est de l'impro, ouais. Ou que j'ai travaillé pendant 3-4 heures avant, tu vois, c'est de l'impro. Voilà. Et comme il dit ou que j'ai, vous voyez un peu le level. Ouais, exactement. Mais j'ai vu que ou que, c'est, ça se dit. C'est pas interdit dans le français. Si, si, si. Non, ça se dit que dans ta tête. Non, non, non. Allez vérifier, vous verrez. Ou que, ça peut être dit. On a le droit de dire ou que. Non. Si, si, si. En 2014, elle sort un autre court-métrage qui s'appelle Know Thyself. Alors, K-N-O-W et Thyself, parce que celui-là, je sais pas si vous le comprenez parce que je parle très mal l'anglais. T-H-Y-S-E-L-F. Je sais même pas ce que veut dire ce mot. C'est pas grave. Donc vas-y, explique ce qui se passe dedans. Bah non, je sais pas, c'est un court-métrage. Je suis pas intéressé au court-métrage, j'avoue. Ah. Je suis un connard. Non, c'est que je me suis pas intéressé à tout non plus. Je regardais que certaines choses. Et d'ailleurs, ce que j'ai regardé, c'est aussi ce qu'elle faisait à côté de sa cinématographie, enfin de sa filmographie. Elle a fait, un peu comme Emma Watson. Elle a beaucoup été active dans les associations de protection, notamment elle dans l'écologie. Elle est devenue en 2019 l'ambassadrice de Greenpeace, ce qui n'est pas rien en soi. Ah ouais, quand même. Ça pèse dans le game. Voilà. Ils ont tous des associations préférées ou des types d'associations préférées, hein. Comme par exemple. Ils ont tous des combats personnels. C'est ça. Ils ont tous leurs propres combats et c'est cool. Donc Emma Watson, c'était surtout le féministe. Le féminisme. Bonnie, c'est Greenpeace, donc l'écologie. Et là, par exemple, Evanna Lynch, qui joue le rôle de Luna Lovegood, elle, son combat, c'est pour les animaux. Donc autant c'est dire. Hein? Je dis, c'est pas étonnant. Ça oui, c'est comme étonnant. Son personnage. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, elle correspond exactement. À son personnage, c'est vachement cool. Donc elle a 29 ans. Après les films Harry Potter, a fait un autre film qui s'appelle My Name is Emily, qui sort en 2015. C'est le premier rôle, donc c'est pas mal déjà, un premier rôle après. Ils ont pas tous eu ça quand même. Sauf Daniel Radcliffe, je crois. Ouais, non. Ouais. Ouais. Donc bon. Radcliffe, hein, tu veux pas. Hein, c'est... Non, ouais, c'est. Ouais, ça. ce soir. Il veut être américain, Teddy, ce ouais, soir. Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ah ouais, c'est un bon pote à moi. On s'en fout. C'est faux. Ouais. Ça va bien se passer, Teddy. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va réussir à finir cette émission. Oui. Donc, à part ce film-là, par contre, elle a pas fait grand-chose d'autre. Hein. Elle a fait d'autres petits films, mais vraiment très petits. Voire même pas des premiers rôles. Enfin, oui, même pas des premiers rôles en plus. Même de figuration, oui. Oui. En 2018, elle réapparaît en fanfare, si j'ai envie de dire. Elle finit troisième de l'émission Danse avec les stars. Wow. Hey. Eh, ça pèse dans le game, ça, ou ça pèse pas? Bref. Elle est aussi militante, comme je l'ai dit, dans l'association PETA, donc une association de protection des animaux. Puis, vu qu'elle est végane, elle va se lancer dans un podcast. Le podcast de Chic Peps. Ouais, c'est ça. Je l'ai bien. Pips. Chic Pips. Voilà. Qui va sans doute parler de végan. Hein. Je vais pas vous mentir. De véganisme. De véganisme. De véganisme. Pardon. C'est une religion. Non, je déconne. C'était un mode de vie. Non, je plaisante. Mais oui. Donc, elle va lancer son propre podcast. Et il doit être encore... Enfin, vous pouvez l'écouter, j'imagine, sur les sites de podcast, tout comme Indestar. Enfin, vos émissions, en tout cas, d'Indestar, vous pouvez les écouter aussi en podcast. Vous pourrez apprécier la prononciation anglaise de Teddy tout au long de l'émission. Ah, bah ouais. C'est magnifique. Vous pouvez que adorer, de toute façon. Bref. Bien sûr. Il faut que j'arrête avec les brefs aussi, ça fait beaucoup de brefs. Ratcliffe. Ouais. Tiens, un autre anglais, Matthew Lewis. Donc tu vois, je dis bien Matthew et Lewis en français, parce que je sais. Voilà. C'est pas mal. C'est bien. On continue comme ça, Teddy. Donc c'est Neville Londubat, il a 31 ans. Alors on a vu beaucoup de photos comme quoi bah, il était vachement musclé, baraqué, après il est devenu super beau. C'est vrai comme pas vrai. Enfin moi je le trouve pas super beau non plus quand même. Même s'il est devenu avec des muscles. C'est la jalousie qui parle, c'est non, pas non, vrai. Non, ses muscles, oui. Sa tête a toujours la tête de Neville, hein, clairement. Je suis désolé. Non. Tout de suite, franchement. Vilain. Ouais, j'avoue. Par contre, alors il a pas fait grand chose non plus en termes de cinéma. Il a participé à un clip d'un chanteur, d'un groupe, les Burriers. Il est dans le clip Filth. Au secours. Quoi, je l'ai bien dit. C'est Burriers. Ah non. Burriers. Ouais. Mais franchement, je vous encourage pas à aller voir ni le clip ni la musique. Oh, c'est méchant de comme ça. Mais je l'ai écouté. Franchement, je l'ai écouté jusqu'au bout. La musique. Non, tu l'as pas écouté jusqu'au bout, Teddy. C'est faux. Mais t'as entendu la fin. J'étais là, j'ai entendu, tu l'as avancé dans le time watch. C'est pas faux. Tu l'as pas regardé. C'est pas faux. Mais donc, j'ai quand même une bonne partie de cette. Ah, me balance direct, quoi. Mais y a vraiment pas d'amitié, bien quoi. Bien sûr. Non, c'est vrai que genre, je l'ai pas écouté en entier. Aux gens, oh non, j'écoute les musiques en entier, mais que dalle que ouais, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais sachez que si vous l'écoutez en entier quand même, bah vous aurez perdu 3-4 minutes de votre vie, quoi. Parce que. Ah, je suis salé là. Mais bon. T'es un vilain. La seule parole qu'il y a dedans, c'est. Voilà, ça fait que ça. Et tout au long, et je dois vous avouer que c'est long. C'est pour ça que j'ai avancé, hein, clairement. Il n'y a rien d'autre comme parole. Il y a un peu de musique, un peu d'instrumental, mais c'est tout. Et dedans, tu le vois se battre avec sa. L'instrumental est bien construit. Bah, j'espère, hein, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on pourra y trouver. Hein. Mais bon. Heureusement, c'est pas lui qui chante. Donc bon. Lui, il faisait juste le clip avec sa copine ou qui se battent avec un os. Enfin, j'ai pas compris, il s'engueule tout le temps avec un os. Bon, voilà. En 2020, en octobre 2020, donc pendant le Covid, il a quand même. Enfin, il y a un film qui est sorti, ou qui joue dedans, qui s'appelle Baby Done. Ouais. Mmh. Baby Done, qui a été produit par Taika Waititi. Donc, à mon humble avis, qui est quand même un gros réalisateur en devenir en ce moment. C'est un géant. Bon, il a fait Jojo Rabbit, ouais. Ouais, il a fait Jojo Rabbit, il a fait The Mandalorian. Ouais. Je me rappelle plus de la suite, tant pis. C'est pas lui qui a fait le dernier Thor aussi, qui est une vraie merde. Peut-être. Mais en plus, il a même pas été que réalisateur, il a aussi été acteur. Bah, dans Jojo Rabbit, il est acteur en plus. Oui, je crois bien. Ouais, ouais je t'assure, c'est Guélan qui me l'a appris. Guélan. Tu vois, même quand t'es plus là, il y a encore ton influence. Et en plus, j'ai été le voir avec Guélan. Ah bah voilà. Mais tu t'en rappelles pas. Oh, Absolument pas. C'est pas grave. Je continue. Fred et Georges. J'ai pas écrit leur vrai nom, je suis un connard. Du coup, ils vont s'appeler Oliver Fred. Oliver et. Merde. Phelps. Oh putain. À chaque fois j'ai Oliver, à chaque fois j'ai pas l'autre. Ça tombe bien, il y a un des deux qui meurt de toute façon. Non. C'est Oliver et James, je crois. Oui. Bon bah, je vais les appeler. Oui. Oliver et James Phelps. Eh ben, Olivier et James Flets, ouais, ils ont 34 ans. Phelps. Ils sont vraiment frères jumeaux, au cas où vous vous posez la question. Ça peut arriver qu'on se pose la question. Il y a vraiment une journaliste qui leur a posé la question. Pourtant, ils se ressemblent un petit peu quand même. Il y a un petit air de famille. C'est facile à vérifier comme info quand même. C'est pas faux. Oui, complètement. Bah, ils ont répondu avec humour. Hein. Bah, ils ont eu raison. Ils ont eu clairement raison. En termes de cinéma, ils ont pas fait grand chose. Ça n'a pas été ouf. Ils ont tourné dans une série en 2009 qui s'appelle Kingdom. Et en 2015, dans un film qui s'appelle Danny and the Human Zoo. Ouais. Ok. Ouais, inconnu au bataillon. Ça promet. Ouais, ça doit pas être ouf. Ça doit pas être ouf, clairement. Par contre, ce que je peux vous dire sur eux, c'est qu'ils adorent le golf. Oui, on a même discuté en off, parce que dans la phrase, dans le biopic, il y avait deux, ils aiment le golf, et ils ont un handicap de 20 et un handicap de 18. Alors, je connais pas le golf du tout. Audrey, elle s'y connaissait un peu plus. Bah, elle a été voir sur internet quand même pour me dire qu'en fait, à part les trous où que tu mets la balle, eh ben, ça veut dire qu'en gros, il met pour un parcours de 18 trous, il va mettre 18 coups. Donc, si vous calculez, sans le tir qui fait que la balle rentre dans le trou, ça fait que l'un des deux réussit le parcours en 36 coups. Donc, chaque étape, c'est en 2 coups qu'il le marque. Est-ce que vous avez suivi ? Est-ce que vous avez réussi à comprendre ? Je sais on pas. On va dire oui et on va tu dire passes oui. à la suite. Voilà. Mais bon, ça veut dire qu'ils sont forts. C'est ça que je voulais dire. Ils sont forts en golf. La dernière de ma liste, et non pas des moindres, c'est Cathy Lung. Donc, qui joue Cho dans Harry Potter. Elle a 30... L'autre, effectivement. Merci pour cette petite précision, Cindy. j'aime bien dire ça comme ça, c'est marrant. Elle a 33 ans. Elle a fait un petit rôle dans Hercule Poirot en 2017. Oh, trop bien. Ouais, elle a joué pendant un épisode. Ah non, c'est pas en 2017, pardon. J'ai sauté une ligne. Mais bon, elle a joué dans un épisode d'Hercule Poirot. Enfin, ou pendant un arc, je sais pas comment ça se passe dans Hercule Poirot, mais bon. J'ai pas envie de regarder Hercule Poirot. Mais vous, peut-être. En 2017, elle est à l'affiche d'un film qui s'appelle Foreigner. Voilà. Foreigner. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à l'affiche avec Jackie Chan. J'avoue que c'est un des acteurs que j'adore, mais bon. Elle a fait beaucoup de théâtre aussi. On va pas se mentir. Elle a fait quelques petits films aussi, mais en Chine. Pourquoi ? Je sais pas. Bah, peut-être. Peut-être parce qu'elle est d'origine chinoise, peut-être ? Non, elle est née en Angleterre. Ça prend pas. D'accord. Mais bon, effectivement, elle est d'origine chinoise quand même. Ses parents, ils viennent de Chine. Bon, ça y joue peut-être. On va pas se mentir. Mais bon, elle a fait beaucoup de petits films comme ça en Chine et c'est tout. Sa carrière a pas plus décollé que ça. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les acteurs d'Harry Potter. Alors, j'ai pris les acteurs, qu'ils ont été plus ou moins révélés par Harry Potter. Parce que sinon, on aurait pu prendre Sirius Black qui est joué par Gary Oldman. Ouais, bon... Là, oui, il a pas attendu Harry Potter pour être connu. Bah ouais, il m'aurait fallu un peu plus il m'aurait fallu plus que 14 minutes pour faire juste son chapitre. On aurait pu parler aussi Je pense que tu pouvais faire carrément une émission entière sur Harry Potter. C'est pas faux. On aurait pu parler aussi de Elena, celle qui joue Bellatrix Lestrange, actrice qu'on voit assez souvent au final. Vraiment. La préférée de Tim Burton. Bah évidemment, c'était sa femme. Bah voilà. Il y a aussi l'actrice qui joue Minerva McGonagall, donc Maggie, qui a une carrière très longue, mais qui est morte. Donc, comment on dit ? Non, c'est pas Shake, on dit, c'est... Non, c'est Rip. Ah, voilà, Rip. J'ai trop l'habitude de dire Shake. Ça, si tu le dis trop souvent, Teddy, c'est totalement. Pour ça. Elle n'est pas morte, Maggie Smith. Ah bon ? Ah, si. Ah non. D'accord. Est-ce que je me serais fait piéger par un truc Facebook, genre... Mais non, mais... Elle est morte. Oui, en fait, c'est un truc Facebook qui... Elle a 86 ans, elle est entièrement vivante, Teddy. Oh, oui, elle va très bien, pour moi, Maggie Smith, si tu m'entends un jour, excuse-moi de t'avoir dit que t'étais mort. En plus, je t'aime bien. Tous mes hommages. Cool. Oui. Tous mes hommages, madame. Voilà. c'est un troll Facebook. En fait, c'est Maggie Smith, machin, truc mûche. En fait, ça commence comme si c'était... ça commence à peu près de la même manière dont ils ont annoncé la mort d'Alan Rickman. Ah oui, mais lui, il est vraiment mort. Lui, il est vraiment mort, malheureusement. Mais en fait, ça finit vie heureuse et milliardaire dans son manoir, machin. D'accord. Elle va très bien. Je peux te dire que si Alan Rickman serait vraiment pas mort, ça serait le plus gros mytho qu'on aurait réussi à faire croire à une Potterhead qui est ma sœur. Et là, je dois avouer que je serais tellement content qu'on ait fait un coup dans le dos comme ça. Mais Alan Rickman, ça a tellement secoué les Potterheads. C'est ouf comme. Moi, ce que j'aime bien, petite parenthèse à part, la voix française de Severus Rogue, qui est quand même géniale, faut bien l'avouer, il fait aussi les documentaires animaliers sur Arte. J'ai remarqué Bah ouais, non, mais c'est dingue. Tu as la voix de Severus Rogue. Alors, j'arriverai pas à l'imiter, mais quand il te parle des animaux, et à côté, qui te dit Potter. C'est génial. C'est génial, j'avoue. Donc bon, vous avez remarqué à quel point vous êtes Potterhead. Alors, on va vérifier vos connaissances avec un petit quiz pour terminer. Oui. Un petit quiz Harry Potter qui va venir après la musique Starboy de Ibel, et celui qui l'a remixé de The Weeknd. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Alors oui, on est bien sur Indestar, et là ce que vous allez entendre... Et c'est l'heure du quiz. Oui. Ce soir, nos candidats sont Teddy Shoot. Et Cindy Shoot. Yes. Ça le fait moins bien, Cindy Shoot, quand même. Bah, c'est pas pareil. Mais ça fait un peu le Grinch. Ouais, super. Bon, bah après, c'est ça. On peut voir, hein, ma bonne dame. On t'a déjà dit que tu ressemblais au Grinch, Cindy. Qui pouvait jouer de votre côté et qui pouvait donner vos réponses sur Instagram ou sur Facebook @Indestar. Bien sûr, c'est un quiz spécial Harry Potter. Commençons par la première question. À Poudlard, les élèves sont répartis en quatre maisons que vous avez citées tout à l'heure. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Chacune est représentée par un fantôme. Comment s'appelle celui de Serpentard ? Réponse A, Nick quasi sans tête. Réponse B, le Baron Sanglant. Réponse C, la Dame Grise. Et on va faire commencer Teddy. Bah, c'est le Baron, c'est pas cool. Le Baron Sanglant. Cindy, tu confirmes ? Bah oui. Bah oui. Et la Dame Grise, alors, c'est le fantôme de qui ? De Serdaigle. Et quasi sans tête, Gryffondor. Exactement. Et le moine, c'est Poufsouffle. Voilà. On est trop bon. On est trop bon, qu'est-ce que tu veux ? Mais oui, vous êtes... Mais vous voyez, ça va bien se passer. Deuxième question. Qu'enseignait Albus Dumbledore avant de devenir directeur de Poudlard ? Réponse A, la métamorphose. Réponse B, la défonce... La défonce... la défonce... Alors, tu vois, Harry, ça, c'est un joint. La défonce contre les forces du mal. Ou réponse C, la divination. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, si vous vous rappelez... Il n'y a pas besoin. ...dans tout ça... Ah, il n'y a pas besoin, monsieur Teddy. Eh ben, on va laisser mademoiselle Cindy parler la première. Alors, il me semble que c'est la métamorphose et que les Animaux Fantastiques, le film, ont fait une erreur en mettant les défenses contre les forces du mal. Alors, Teddy, est-ce que tu confirmes ? Là... là, ça me fait chier, là. J'avais envie de dire les défenses de... Les défenses contre les forces du mal, je m'en fous, j'assume. Tu diras les défenses contre les forces du mal ? Ouais. Eh bien, c'est évidemment Cindy qui a la bonne réponse. Putain, j'aurais dû y faire confiance. C'était bien la métamorphose. Attention, troisième question. Quelle est la particularité d'Argus Rusard ? C'est un obscurial, c'est un moldu ou c'est un craque-molle ? Je sais. Moi aussi. Alors Teddy, si tu sais... C'est un moldu. Putain, non, c'est un craque-molle. Et boum, tu l'as mangé. Et oui, effectivement, bah, c'est quoi, un craque-molle. Donc, c'est un enfant issu d'un parent sorcier, mais qui n'a aucun pouvoir magique. Et c'est plutôt rare. Et il y en a quelques-uns dans Harry Potter. Est-ce que tu peux nous en citer un, Cindy ? Un craque-molle assez connu. Argus Rusard. Oui, en plus d'Argus. J'en ai trouvé quelques-uns. Attends, laisse-moi réfléchir. Je regarde ça tout de suite, ce que j'en avais vu sur le fandom sur le Wiki Potter. Il y a une meuf là. Il y a la sœur de Sirius Black. Et Martha Stewart, c'est ça que tu voulais dire ? Non, c'est la meuf là. C'est la Arabella. Ah oui, Arabella Fig. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la voisine des Dudley. Waouh, incroyable. Des Dudley Dursley. Ah oui, la vieille Osha. Oui, ouais. À chaque fois, j'oublie. Nous allons passer à la quatrième question. Et pour l'instant, Cindy prend la tête. Avec 3 points et moi 1. Je précise. L'argent des sorciers est composé de 3 pièces. Lesquelles ? Proposition A, le galion d'or, la mornie d'argent et la noix de bronze. Proposition B, le glavio d'or, la moulinette d'argent et la niniche de bronze. Ou réponse C, le ballon d'or, le gorille d'argent et la rose de bronze. Alors, Teddy ? Bah, c'est forcément le ballon d'or. Non, je déconne, le galion. La première, le galion oui. d'or, la mornie d'argent et la noix de bronze. Tu oui. confirmes, Cindy ? Oui, je confirme. Tout à fait. Et il y a vraiment un cours de la monnaie, il y a vraiment des valeurs entre chaque ouais. Devise. Ouais, bon, là, c'est la petite question où vous allez devoir faire de la rapidité. Attention, vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Comment se nomment les frères de Ron ? Charlie, Percy, Bill, Fred et George. Allez, j'avais juste besoin de Fred et George, mais c'est tout. Ah merde. Mais alors là, Cindy, bla, allez hop. Un point pour Serpentard. Si je te dis que j'avais pas compris la question, parce que j'ai compris comment se nomment les frères de Ron. Et en fait, on a seul mot de Ron, et j'ai pas compris. Du coup, je les ai cherchés et je me suis dit, mais je connais pas ceux-là, c'est qui? Qui sont-ils? Alors, sixième question, attention. Revenons aux fondamentaux. Qui sont les quatre sorciers fondateurs de Poudlard? Attention, écoutez bien. Réponse A, proposition A, Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle et Salazar Serpentard. Réponse B, Ramona Serdaigle, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle et Sandor Serpentard. Pardon. Et réponse C, Rosalia Serdaigle, Godric Gryffondor, Elisa Boursouffle et Sandor Serpentard. Alors Teddy ? Ah bah il s'endort Serpentard. Non, c'est la première. Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor, Elga ouais. Poufsouffle et Salazar Serpentard. Ouais. Tu confirmes, ouais. Cindy ? Je confirme à 100%. Nous avons nos quatre fondateurs. Alors, rappelez-vous vos souvenirs dans le tome 6. Qui ramène Harry jusqu'au château après s'être fait agresser par Malfoy ? Est-ce Luna Lovegood ? Est-ce Rubeus Hagrid ? Ou est-ce Nymphadora Tonks ? Alors Cindy ? Dans le livre ou dans le film ? Elle dit qu'elle sait pas. Dans le livre ? Alors, dans le livre, c'est Nymphadora Tonks, et dans le film, c'est Luna. D'accord, ben, ok. Ouais, moi, je dis la même chose. Alors, on va croire nos Potterhead favoris, parce que je n'avais pas cette précision, ce degré de précision. Donc, un point pour Serpentard. Ah, mais j'ai un point aussi, hein. Oui, tu as un point aussi, Teddy. J'ai point copié, pour Serdaigle aussi. Alors, attention, là, réfléchissez, on parle des films. Parmi ces personnages, lequel n'apparaît pas dans tous les films ? Est-ce la réponse A, Severus Rogue ? Réponse B, Albus Dumbledore ? Ou réponse C, Minerva McGonagall ? Oh la vache. C'est chaud. Attention, réfléchissez bien. Parmi ces personnages, lequel n'apparaît pas dans tous les films ? Je laisse la parole à Cindy. Non, je laisse la parole à Teddy, puisque c'est moi qui décide. D'accord, Dumbledore. Très bien, donc réponse B pour Teddy. Cindy, à ton avis ? Severus Rogue, Albus Dumbledore ou Minerva McGonagall ? Bah, sur le coup, moi, j'aurais pas... Dis McGonagall. C'est ton dernier mot ? C'est ta dernière bafouille, Jean-Pierre ? C'est con, ouais. C'est con parce que je les ai vus tellement de fois, mais je sais même pas répondre à cette question. Non, ouais, vas-y, là, je sais pas du tout. Tu restes sur Minerva McGonagall ? Bah ouais. Eh bien, tu as tout à fait raison, Cindy. Elle n'apparaît pas dans la première partie du dernier film. Sinon, mais dans tous les autres, elle apparaît. Donc c'est bon, en plus j'avais la justification. Tu as raison. Attention là, on arrive à la dernière question. Bon, à la base c'était pour vous départager, mais bon là, clairement on est sur une victoire écrasante. Elle a peut-être le double de points que moi. Tu vois. Genre j'ai peut-être... Mais alors là, c'est une question... Qui vaut 5 points. Qualité. Ah bah, 10 points pour la maison qui remporte. Non mais 5, ça suffit. Ah ouais. L'entrée des visiteurs au ministère de la magie est une cabine téléphonique rouge abandonnée à Londres. Quel est le code à 5 chiffres que vous devez composer pour entrer ? Oh putain, je le sais ! SA 62442, SB 41264, SC 46422. C'est le premier. Ouais. T'es dit ? Ouais. Eh bah, dis donc, là, vous m'espatochez, hein. Vous avez clairement... Bon, alors clairement, là, on peut dire que Cindy a explosé, ouais. Teddy, hein, très clairement. On est à combien de victoires, Teddy ? Alors, moi, je suis à 14 points et Cindy à 18 points. Oh là là là là là là ! Bravo ! Bravo, la maison ouais. Serpentard, vous pouvez être fiers. Ouais. Mais vous gagnez pas... Attendez, vous gagnez pas la coupe parce qu'Albus Dumbledore a décidé que c'était Gryffondor. Vous gagnez la coupe d'Indestar, du moins. Oui. Donc, félicitations. C'est déjà pas mal. Mais comment... Alors, moi, la question, c'est comment vous vous êtes rappelé de ce code ? Parce que ça veut dire magique. Ok. Est-ce que j'ai pas dit d'accord. ça, que j'étais sûr de savoir ce que c'était, en bluffant ? Je ne sais pas. Voilà. Et que j'ai répondu juste la question que... Enfin, la réponse que Cindy a dit. Est-ce que j'ai pas bluffé à mort ? T'as vraiment fait ça ? Bien sûr. Oui, c'est ma spécialité. Il est extrêmement doué. Hein. Il est extrêmement doué pour ça. C'est son... Je t'invite. Alors Cindy, finalement, ce quiz, il était comment ? Bah, finalement, franchement, ça va. Bon, tu vois, tranquille, alors, easy. Elle me disait qu'elle était très hypée de ce quiz et finalement, elle l'a passé les doigts dans le nez. T'avais combien de questions ? Oui, mais c'est parce que... T'en avais 9 ? J'en avais 9, exactement. Ouais, bah t'as la majorité des points, en fait. Ah, nice. Bah, vous voulez une dernière question pour que ça fasse 10 ? Bah, allez, vas-y. Ok, Teddy, on va voir si tu t'en rappelles ou pas. Quel est le nom du poisson rouge que Lily offre à Slughorn ? Alors là... T'as pas 3 propositions ? Fais 3 propositions, s'il te plaît, Première Cindy. Proposition, George. Cindy. Deuxième proposition, William. Troisième proposition, pardon, Francis. Ah, c'est Francis. Waouh! Ouais. Wow. Bravo les Potterheads! Hein. Franchement, avec des propositions, c'est plus simple. J'avoue, avec des propositions, c'est plus simple. Ça aurait été. Oui, Audrey? Ça aurait été une belle. Oui, je dis, ça aurait été une belle bagarre. Et, pas tant que ça. Incroyablement. Alors, en vrai, au début, je pensais que Teddy ne connaissait pas vraiment Harry Potter. Et je voulais faire des questions du genre avec quel moyen de transport Harry se rend-il à Poudlard? Le Poudlard Express? Une trottinette, une calèche. Ah ouais, non. Voilà. Ouais. Au début, je me suis dit, il ne connaît pas. Et en fait, en lui posant quelques questions en préparant, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup plus de connaissances que ce qu'on pensait. Ouais, c'était un coup de bluff pour avoir des questions faciles. Ça, c'est... Exactement. Exactement. Il est fort, ce Teddy. Sauf mais que... évidemment, Cindy l'a surpassé. Ouais. C'était obligé. C'était très cool, les petits chats. Oui. Ouais. Oui, effectivement, c'était très cool. Et je dirais même à refaire, parce que on va dire à peu près sur Indestar, on fait à peu près une émission Harry Potter chaque année, parce que ça plaît, parce que les gens aiment ça, et nous aussi on aime ça, et parce que Cindy est là. Donc forcément, et l'année prochaine, je ferai un truc généalogique sur les Malfoy. Voilà. Donc vous avez très déjà bien. Un speech c'est sur noté. L'année dernière. En attendant, n'oubliez pas, le podcast est disponible sur indestar.fr et sur votre site de podcast préféré. Vous pouvez aussi retrouver l'ancien podcast de la première émission Harry Potter qu'on a fait l'année dernière. Prévoyez 3h30. Oui, au moins minimum. c'est vrai, il en faut beaucoup. En attendant, nous, on va se retrouver lundi pour une émission. On n'a pas le thème encore, Audrey, je crois. Hein. Non, je crois que ça n'est pas décidé dans les backstage. On va décider ça. Peut-être que Cindy sera là. Non, peut-être pas. Non, pas le lundi. Ça dépend. Peut-être. Vous aurez peut-être la chance d'entendre, enfin de réentendre la voix de la douce Cindy. Alors douce, ça dépend comment on a... Ça dépend. Ça dépend si tu veux me tacler ou pas sur un quiz Potterhead. Par exemple, voilà. Ça dépend si je suis en mode compétition ou pas. C'est ça. Donc bon... Vous pourrez nous entendre en tout cas tous les lundis de 21h à 23h et tous les vendredis de 21h à 23h. En attendant, on vous laisse avec de la bonne musique, du bon son. On vous laisse avec Childhood. J'ai du mal à le dire. Childhood. De Timid. Ah, celui-là, il est facile. Timid, c'est facile. J'avoue.